L'histoire de toutes les sciences est faite de grands bouleversements. La physique a découvert il y a moins d'un siècle que le temps n'est pas absolu, ou encore les mathématiques ont été attaquées par un paradoxe logique au début du XXe siècle. Bref, il y a toujours des grands rebondissements. L'histoire de la médecine n'est pas moins passionnante. Essayer de comprendre le vivant et de le soigner n'est pas mince affaire, surtout quand le sujet, l'être humain, est particulièrement attiré par les fausses coïncidences et les conclusions hâtives. Ce soir, on reçoit un spécialiste pour nous raconter l'histoire de la médecine. Vous êtes dans Podcast Science, nous sommes dans l'épisode 215, bienvenue. Salut à tous. Alors on va commencer par un petit tour de table. Donc cette fois-ci nous sommes assez parisiens finalement. Nous avons Robin depuis Paris. Salut Robin. Salut. Pierre depuis Paris aussi. Salut. Julie quand même depuis Nice qui a organisé l'émission. Donc quand je dis qu'on est parisiens, je suis méchant. Salut Julie. Salut. On a Billy qui veut venir mais qui ne se connecte pas. Et on a surtout Ben de la chaîne Nota Bene sur YouTube. Si vous ne savez pas ce que c'est, on va en parler tout de suite. Qui nous vient de Tours dans son célèbre canapé. Salut Ben. Salut, c'est moi le pseudo un spécialiste. Bah quand même, on est tout content de te recevoir. Bon, de toute façon, on va te présenter, etc. On se permet de dire des termes comme spécialiste. Donc au sommaire de l'émission de ce soir, qui en fait est une émission de type dossier assez simple, où on a un grand dossier de Nota Bene sur l'histoire de la médecine, qu'on va très vite attaquer parce que ça s'annonce long et passionnant. Et puis ensuite, on a les traditionnels pitch, quote et plug. Et puis ce sera tout. Et donc... Au lieu de bafouiller, je vais laisser la parole à Julie pour nous présenter Nota Bene, et puis ce sera la parole à Ben. Alors salut Ben, et bienvenue. Un immense merci à toi d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un plaisir pour nous. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu as démarré ta chaîne YouTube le 25 août 2014, avec l'épisode Les vieux trucs de médecine, c'est ça ? Vieux trucs de médecin, oui tout à fait. Et depuis, 114 677 personnes se sont abonnées. Je crois que le chiffre est tout frais. Je pense. Donc tu nous parles de l'histoire avec un grand H, abordant des thèmes aussi variés que Game of Thrones, le journalisme, les mythologies ou encore les sorcières. Et on a la chance de te recevoir ce soir grâce à notre ami Pierre Carner qui est avec nous et qui, quand il a entendu qu'on souhaitait faire un dossier sur l'histoire de la médecine, nous a très gentiment envoyé. Pourquoi ne pas demander à Benjamin de Nota Bene ? Il a déjà réalisé 2 vidéos sur le sujet, sa voix passe très bien et il a du matos pour une captation d'enfer. So, ça vous tente ? Alors, comment résister ? Donc, je crois que tu as préparé un beau dossier pour nous ce soir. Et donc, sans plus attendre, je te laisse la parole. Tout à fait. Bon, déjà, merci Pierre, c'est très, très gentil de ta part. Je t'en prie, c'est normal. Je t'ai bien mis dans la panade maintenant. C'est un beau cadeau. À toi. C'est ça, parce que j'ai accepté comme ça gentiment au départ, mais ça m'a quand même demandé 2 semaines de boulot. Mais oui, bien sûr. Non, mais voilà, en tout cas, c'était très intéressant de bosser sur cette chronique que je vais vous présenter, parce que l'histoire de la médecine, c'est quand même un thème extrêmement large. Donc, il a fallu que je me concentre un petit peu sur l'essentiel, hein, puisque c'est, si je devais vraiment tout aborder, on y passerait des jours et non pas une heure. Donc, je vais principalement centrer ma chronique de ce soir sur l'Europe. Ce sera une chronique un petit peu ethnocentrée, on va dire, puisque si je commence à m'éparpiller sur des médecines d'Amérique du Sud, d'Afrique ou de Chine, il y a tellement de choses à dire, je n'y arriverai absolument pas. Donc, vu que c'est là qu'on vit en Europe, et que c'est ces civilisations-là qui ont pu influencer notre pratique moderne de la médecine, c'est là-dessus que je vais m'axer. Voilà, donc j'espère que vous me pardonnerez un peu cette vision ethnocentrée. Avant de s'enfoncer un peu dans la grande fresque du coup que je vous ai préparée, il va falloir qu'on définisse ce que c'est la médecine. Quand même, c'est ce qui est le plus important, puisque la médecine, c'est un peu la lutte contre la mort, la lutte contre la douleur, la prise en compte de l'autre et de ses peines, qu'elles soient physiques ou même mentales. Et c'est aussi l'aide à la naissance, à la vie, à son accompagnement aussi. Et c'est d'ailleurs pour ça que la médecine est pendant très longtemps liée à la religion, à la spiritualité ou au chamanisme dans d'autres parties du globe. Alors, on peut également dire que la médecine, c'est enfin des hommes et des femmes qui se sont battus, qui ont cherché, qui ont trouvé aussi, et qui, à travers les siècles, ont transmis leur savoir afin d'aider les autres. Donc, pour cette chronique, je vais vous détailler un petit peu le plan histoire de que vous soyez pas trop perdus, parce qu'on va un peu partir dans tous les sens. Donc on va aller faire un petit tour du côté de la période néolithique assez rapidement pour commencer, avant de nous attarder sur plusieurs époques et plusieurs régions comme la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, avant de se concentrer sur le Moyen-Âge, la Renaissance et enfin la médecine moderne dans notre cher pays. Voilà, et dans chaque période, chaque région, je m'attacherai à développer un pan de la médecine qu'on va quand même rester assez général, quoi qu'il arrive, hein, je ne pourrai pas rentrer dans le détail sur ces 50 minutes en votre compagnie. Alors, à partir de quel moment on peut parler de médecine ? Ça, c'est assez difficile, puisque l'écriture apparaît finalement assez tard dans notre évolution, dans notre histoire, et donc les traces qui permettent d'affirmer qu'un acte de soin est pratiqué à un moment donné, à une époque antérieure à cette invention qu'est l'écriture, ces preuves-là, elles sont très rares, tout simplement. Néanmoins, on ne peut pas nier qu'à un moment donné, il y a eu des précurseurs qui, sûrement par hasard, en observant la nature, en observant leurs congénères, en observant les effets des plantes hein, sur leurs congénères, ils ont pu déduire qu'il était possible d'atténuer une douleur, de guérir une toux, et même de sauver la vie d'un homme avec ces plantes, avec cette nature. Donc si les preuves sont extrêmement minces, l'archéologie nous permet de savoir que la pratique, par exemple, de la trépanation, hein, c'est le fait de faire un trou dans le crâne pour avoir accès au cerveau, c'est déjà utilisé au néolithique. Et bien évidemment, bon, c'est assez rudimentaire, hein, on utilise un silex pour faire la besogne, ce qui ne devait pas être très pratique ni très agréable pour le patient, je vous laisse imaginer. Quoi qu'il en soit, on peut penser que certaines personnes qui accumulent le savoir médical, la connaissance, les plantes, etc., transmettent oralement leurs expériences à d'autres personnes, et ainsi de suite, pour qu'une espèce de base de la médecine soit posée au fur et à mesure dans les communautés tribales de l'époque. Juste une question là, sur la trépanation à base de silex. On a une quelconque preuve qu'il restait en vie après ? Honnêtement, non. Enfin, j'ai entendu parler de crâne retrouvé où on avait vu que ça avait été ouvert et que ça avait eu le temps de se ressouder. Donc, Exactement. Il y a des cas comme ça qui ont été retrouvés où on voit une ossification, enfin, une sorte de calcification a posteriori qui aurait été possible uniquement si le patient survivait. D'accord. Je viens de voir là que il y a pas longtemps, on a vu des cas où la trépanation n'est pas d'ailleurs uniquement destinée au crâne, elle a été utilisée dans le Pérou pour pouvoir faire de la chirurgie sur les tibias. Donc ils utilisent ça un petit peu partout aussi. D'accord, donc c'est ce qui prouve bien que c'était pas une volonté de tuer, mais parfois juste aussi. Ah non, pas du tout. Non. C'est vrai que c'est assez intéressant. Après, on peut se reposer que sur des preuves archéologiques hein, là-dessus. Bon, c'est quand même quelque chose, c'est une preuve en soi. Maintenant, il va falloir attendre l'invention de l'écriture pour qu'on puisse avoir des témoignages écrits des pratiques de la médecine. Et donc ces témoignages écrits, ça remonte forcément à la région qui a inventé un petit peu l'écriture, donc ça remonte à l'époque mésopotamienne. C'est plus particulièrement à Babylone, qu'un texte de loi est retrouvé sur une stèle en 1750 avant Jésus-Christ. C'est une stèle qui est assez connue puisqu'il s'agit du code d'Hammurabi, qu'on peut qualifier du premier vrai texte juridique, si on peut dire gravé noir sur blanc. Dans ce code d'Hammurabi, il y a un peu moins de 300 articles qui sont cités, dont la fameuse loi du talion que vous connaissez tous, hein, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et sur ces 300 articles, il y a une douzaine qui parlent de la pratique de la médecine, et plus précisément de la chirurgie. Mais aussi et surtout, puisque c'est un texte juridique, il ne faut pas l'oublier, des condamnations qu'encourt un médecin qui aurait fauté, ou aussi les honoraires des médecins, par exemple. Du coup, c'est vraiment à partir de là qu'on peut dire que, entre guillemets, la médecine en tant que telle existe, puisque sa pratique est reconnue et encadrée juridiquement. Donc il faut faire attention, il s'agit encore d'une pratique très sommaire de la médecine, et si on arrive à poser des diagnostics, etc., les remèdes et les raisons des maladies ou des maux, MAUX, ils ne sont pas toujours adaptés à la souffrance du patient. On peut noter qu'il y a déjà une certaine forme de protocole hein, qui se met en place, puisque quand un médecin reçoit un patient avant de l'ausculter, il lui pose déjà tout un tas de questions, comme les médecins le font de nos jours. Le problème, entre guillemets, c'était que la médecine et la religion, à l'époque, vous l'imaginez, étaient extrêmement liées, Et il y avait des questions, du coup, qui étaient pertinentes dans cet ancêtre du diagnostic, mais beaucoup d'autres qui l'étaient moins. Par exemple, un médecin pouvait assez facilement demander au patient « Est-ce que vous avez menti récemment ?» ou ce genre de choses, histoire de savoir si, en gros, le patient avait quelque chose à se reprocher vis-à-vis des dieux. Et si c'était le cas, bah, ça pouvait être le début d'une explication quant à sa maladie ou à sa blessure. Heureusement, il ne s'arrête pas là. Et déjà à l'époque, il y a les médecins qui savent reconnaître certaines maladies, par habitude sûrement, et peuvent donc tout à fait identifier des troubles respiratoires, mais aussi des troubles intestinaux, des troubles urinaires, enfin pas mal de choses. D'ailleurs, ils pratiquent une analyse assez rudimentaire des urines, l'odeur de la laine, ils savent prendre le pouls d'un patient, ils savent prendre sa température, enfin... Tout ça, ça aide quand même pas mal quand on veut commencer à trouver le pourquoi du comment quand ça va mal chez un patient. Là où ça devient intéressant, c'est dans les propositions de traitement de ces maladies ou de ces blessures. Là, je rappelle encore qu'on est dans une société qui mêle des débuts de science avec la religion et un peu de magie par-dessus, hein, ça nous fait un joli cocktail. Du coup, il n'est pas rare qu'une prière soit prescrite pour guérir le mal. Ça n'empêche pas que le médecin puisse prescrire en plus de véritables remèdes. Ça va venir en complément au-delà de la, on va dire, de la guérison spirituelle. Et là, il y a des indications très larges et très nombreuses quant aux plantes et aux procédés utilisés pour soigner les patients. On a des pommades, on a des sirops, on a des mélanges de plantes, de l'alcool, des potions, des résines qu'on fait brûler pour inhaler, enfin toutes sortes de choses qui font un peu penser aux remèdes de grand-mère qu'on peut utiliser de nos temps à la campagne. Alors, on peut citer tout de même quelques méthodes assez loufoques, hein, pour traiter certaines pathologies, comme par exemple les difficultés respiratoires qui peuvent être traitées par un lavement en profondeur, c'est chose un peu le potache. On a aussi le cas des excréments qui peuvent être utilisés en mixture afin de soigner des maux de gorge, par exemple. Ça, je l'avais abordé dans mon tout premier épisode Nota Bene, ça m'a fait ressurgir quelques souvenirs. Concernant les fractures, les plaies et autres, il y a aussi des compétences qui sont dégagées de ce côté-là, fatalement, hein, puisque à l'époque, les guerres font quand même de nombreux blessés. Il faut faire de son mieux pour les garder dans le meilleur état possible. On a donc des attelles qui peuvent être mis en place, et il semble qu'un début de chirurgie existe en Mésopotamie. D'ailleurs, au niveau chirurgie, il y a aussi des écrits qui laissent penser que la chirurgie esthétique était déjà pratiquée à Babylone, notamment au niveau du nez, où il y a des implants osseux qui auraient pu être tentés. Je me permets juste de te poser une question. Est-ce que tu as investigué un peu le taux de survie de ce genre de manip, notamment les parties chirurgicales ? Non, je n'ai pas eu de données là-dessus. Je n'ai pas eu de données, mais on peut se douter qu'il n'y avait pas vraiment à l'époque d'antiseptiques ou de choses comme ça. Donc, ça pouvait facilement dégénérer si c'était mal fait, c'est sûr. C'est évident. Tu avais une continuité dans ta question ? Non, justement, je me demandais s'ils comptaient les morts, justement, pour avoir une certaine idée de leur taux de réussite, s'ils avaient justement un moyen d'afficher ça. Ça aurait été intéressant. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de source là-dessus. Je vous dirai à la fin de l'émission un peu sur quoi je me suis appuyé pour écrire. Je me suis assez fortement inspiré, d'ailleurs, d'un bouquin sur l'histoire de la médecine d'un universitaire. Alors, revenons-en à nos moutons. Ce qui est sûr, c'est que, bon, en gros, on a vu, il y avait des traitements pour les maladies, il y avait des traitements possibles pour des blessures, des fractures, etc. Mais tout ça, ça a un coût. Et c'est là aussi qu'on se rend compte des inégalités qui vont perdurer pendant longtemps après cette époque. Par exemple, si un homme est blessé par une lance et qu'un médecin arrive à le sauver, cet homme doit lui payer la somme de 10 cycles. Du coup, un cycle, ça ne va pas vous dire grand-chose, mais en gros, il fallait un cycle pour s'acheter 50 kilos de dattes, deux cycles pour s'acheter un agneau, ce qui n'était pas rien, et le salaire annuel d'un esclave, par exemple, puisque les esclaves étaient payés, c'était de 3 cycles par an. Donc 10 cycles, c'est un peu dur à sortir pour quelqu'un qui n'a pas d'argent. Bon, voilà, il y avait sans doute du bon, hein, dans cette médecine, mais aussi du mauvais. Si on regarde notre société actuelle, c'est pas si différent que ça, et des bons et des mauvais praticiens. Et puis des bonnes et des mauvaises écoles. Du coup, en parlant d'écoles, au départ, il n'y en a pas vraiment des écoles de médecins. Mais au 7e siècle avant Jésus-Christ, est créée une grande bibliothèque en Assyrie, qui est une région au nord de la Mésopotamie. C'est la bibliothèque d'Assurbanipal. Et dans cette bibliothèque, on retrouve plein de choses, des documents officiels, des textes littéraires, mais aussi des ouvrages sur les avancées scientifiques et particulièrement sur une bonne partie de la médecine de l'époque. C'est donc en fait le premier lieu où les médecins peuvent venir apprendre, où les médecins peuvent venir se former à travers des écrits laissés par d'autres médecins. Donc c'est le début de la formation médicale en somme, hein, et de la transmission par écrit. Donc il s'agit surtout d'une initiative à grande échelle, mais pour autant, il y a déjà des documents qui permettent de transmettre un savoir médical avant la construction de cette bibliothèque. Hein. Bien entendu, c'est pas le début de cette transmission. Ça a commencé avant, et notamment en Égypte, puisque en Égypte, on retrouve des écrits comme le papyrus Edwin Smith, qui date de 1500 avant Jésus-Christ, et qui parle de chirurgie, principalement. Alors sur ce traité, on extrapole un peu, mais a priori, il sert surtout à cette époque de base médicale, pouvant servir à des fins militaires. Donc on y trouve des cas de fractures, de plaies, d'écrasements, enfin tout ce qu'on pouvait faire avec des armes contondantes ou tranchantes, et la façon, du coup, dont éventuellement on peut les traiter, bah, comme des l'ancêtre des sutures, les immobilisations des membres fracturés, les baumes pour soigner, etc. Ce qui est aussi intéressant dans ce papyrus, c'est qu'il fait du coup la part des choses entre, d'un côté, le rationnel et le scientifique, et de l'autre, le religieux et le magique. Du coup, on a vraiment un document, pour le coup, qui est dénié de ce côté magique pour se concentrer sur l'aspect pratique de la gestion des traumatismes et autres. Donc là, c'est vraiment une des premières séparations des deux mondes qui va se répéter tout au long de l'histoire, hein, puisqu'il va y avoir plusieurs séparations puis réunions de ces univers au fur et à mesure. Alors bien sûr, ce papyrus, il a été rédigé en 1500 avant Jésus-Christ, mais ça ne veut pas dire que du coup ces pratiques datent de cette époque. Et comme je l'expliquais juste avant, on peut être quasi sûr qu'elles viennent d'une époque antérieure, puisqu'il y avait des transmissions orales, etc. Et on considère d'ailleurs que le papyrus Edwin Smith, c'est en fait une copie d'autres ouvrages qui ont disparu, et dont l'auteur original, ça pourrait être le médecin et architecte Imhotep, qui a vécu pendant la 3e dynastie, soit en 3000 avant Jésus-Christ, donc ça fait quand même 1500 ans avant la période du papyrus, hein. Et ça fait quand même beaucoup de conditionnels, mais bien entendu, ça permet de remonter la piste hyper loin, et surtout bien avant la première structure légale qu'on a évoquée en Mésopotamie à travers le Hammurabi, la stèle d'Hammurabi. Je vais te faire remonter une question qui est passée sur la chatroom. Je crois d'ailleurs il y en a plusieurs personnes qui se posent la question. Niveau embaumeur, j'imagine qu'il y avait aussi une tradition de connaître le corps pour pouvoir justement en Égypte ancienne conserver les corps, notamment ceux des pharaons. Est-ce qu'il y avait un lien entre ces embaumeurs et les médecins qui sont, enfin les médecins, les praticiens qui sont mentionnés dans ce papyrus? Alors, oui et non, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin forcément de connaître très bien le crâne, hein. Enfin le crâne, la biologie en général et le corps des humains, c'est-à-dire que pour embaumer quelqu'un, la technique la plus utilisée, en fait, c'était d'enfoncer une baguette dans le nez du mort et puis de touiller le cerveau pour le ressortir par le nez. Donc on se fichait un petit peu de savoir comment c'était fait à l'intérieur, vu qu'on n'y allait pas, on touillait grossièrement, et voilà. Pour le côté, c'était, enfin pour les organes internes, c'était quasiment la même chose. En gros, on faisait une incision sur le côté, on retirait un petit peu tout ce qu'il y avait dedans, et on bourrait le corps de paille, d'herbes, etc., qui pouvaient du coup conserver le corps. Donc, il n'y avait pas d'école du coup pour ce genre de pratique. C'était genre. Alors, il y avait des pas des sociétés d'embaumeurs, mais entre guillemets, déjà à l'époque, à un moment donné, il y a même eu un business autour de ça, autour de l'embaumement, où on a retrouvé des animaux qui se faisaient empailler, et on avait plusieurs embaumeurs qui se réunissaient pour alimenter leur business, entre guillemets. Maintenant, ça coûtait aussi de l'argent, tout le monde ne pouvait sûrement pas se le payer, ça c'est clair. C'est, je pense, une pratique un petit peu différente de la médecine. Parce que ça n'a pas du tout la même visée. C'est juste de la conservation du corps. Et là, il s'agissait juste de vider les organes pour le remplacer par du bourrage, en gros, quoi. Donc, c'est croustillant. C'est croustillant. Après, j'avoue que j'ai pas lu, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, des rapprochements entre les embaumeurs et les médecins. De là à dire qu'il n'y en a pas, je ne sais pas, peut-être, c'est à creuser. Mais d'après ce que j'ai vu, enfin, ça, c'est une partie que je n'avais pas écrite, du coup, mais j'ai pas du tout lu ce genre de choses. Non, mais c'était juste une question accessoire satellite, mais ça n'empêche pas de poser des questions. J'en suis très heureux parce que, tu vois, j'étais persuadé que quand on poserait des questions, je n'aurais pas de réponse à apporter. Et là, et ben voilà, je suis preuve. Content. Voilà, j'ai fait ma bonne question du soir. C'est bien. Moi, je te laisse continuer. Du coup, on parlait effectivement de ce traité, de ce papyrus Edwin Smith, qui en fait avait été copié sur un vieux document rédigé par Imhotep, le docteur qui officiait en 3000 avant Jésus-Christ. Et donc, il y a de nombreux traités médicaux à cette période, et la majorité d'entre eux sont considérés comme étant des copies d'originaux, ce qui prouve bien qu'on peut remonter assez loin. C'est le cas d'Eden Smith n'est vraiment pas isolé, et c'est vraiment, on pense vraiment qu'il y a eu toute une gamme de traités de médicaux et de papyrus qui ont été vraiment copiés. Alors, en Égypte, on a la trace par ses écrits de grands médecins comme Imhotep, du coup, qu'on a cité, mais aussi de femmes médecins, et par exemple comme Pézéset, qui est la première femme médecin, entre guillemets, qu'on pourrait évoquer, la première femme médecin de l'histoire, qui aurait officié vers 2500 avant Jésus-Christ, qui aurait en fait été la responsable des sages-femmes, et qui aurait même pu délivrer des diplômes de sages-femmes dans une école créée pour former ce personnel. Donc là, on a tout un... Dans une phrase, on a un condensé de concepts qui sont hyper en avance sur leur temps, puisqu'on a la création d'écoles, on a une formation de personnel, enfin, on a vraiment quelque chose de précurseur, et tout ça géré par Pézéchet, qui est une femme. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Vous me pardonnerez pour les prononciations, ça, pour ceux qui me connaissent, j'ai l'habitude de massacrer les prononciations étrangères dans mes émissions, ça fait rire beaucoup de personnes et d'autres moins. Donc c'est un point important, hein. Quand on sait que l'aide à l'accouchement, ça a été presque exclusivement réservé aux femmes jusqu'au début du XVIe siècle en France. Donc on voit que, enfin, de 2500 avant Jésus-Christ, où cette sage-femme aurait officié, on a quand même une période presque de 4000 ans, 3500 ans, je ne sais plus, je suis mauvais en maths du coup, où la pratique de l'accouchement s'était réservée pratiquement qu'aux femmes. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Et les raisons, c'était systématiquement les mêmes ou ça variait? Est-ce que c'était lié à une structure sociale ou justement les hommes n'ont pas le droit de toucher le corps des femmes, généralement, j'imagine? Alors, il y avait un petit peu de ça. Il y a aussi le fait que pendant longtemps, les hommes se désintéressaient de ça parce qu'ils ne trouvaient pas ça assez important ou... c'était vraiment un domaine qu'on mettait à part depuis le début. Il y a aussi le fait que, c'est ce que je vais évoquer dans les prochaines lignes, il y avait un accouchement qui était extrêmement ritualisé autour de la femme. Par exemple, dans l'Égypte antique, la femme, elle devait accoucher en dehors du domicile, parce qu'elle était censée attirer le démon sur elle quand elle accouchait, et du coup, les autres femmes qui étaient là étaient censées pouvoir, dans un endroit prévu à cet effet, la faire accoucher, dans un endroit, donc on met à part qui étaient des maisons d'accouchement spécialisées réservées aux femmes, et donc les faire accoucher sur les fameuses pierres rituelles qu'on appelle les mesquénettes, que j'ai pu évoquer, petit moment de pub, sur mon épisode sur l'accouchement avec Dirty Biology, justement, qui m'avait aidé pour faire cet épisode. Donc tu veux dire que quand une femme perd les os, le réflexe c'était de la foutre dehors sur les cailloux, quoi? Grossièrement, on pourrait dire que c'est ça, mais en fait, voilà, il y avait des maisons, entre guillemets, des lieux qui étaient spécifiques pour ça, avec des pierres rituelles, justement, pour exorciser tout ça et empêcher que les démons s'introduisent non seulement dans la maison, mais aussi dans la femme qui était en train d'accoucher. C'était pas très élégant, mais bon, il fallait faire avec les mœurs de l'époque. C'est d'ailleurs la vidéo qui m'a poussé à tout de suite inviter pour Podcast Science, vu justement le potentiel what the fuck de... qu'on commence à touiller justement quand tu as parlé d'embaumement, mais là, on est en plein dedans. Je suis ravi. Mais je suis ravi aussi. Du coup, cette pratique quand même de l'accouchement ritualisé, elle nous rappelle quand même que la religion et la magie sont bien présentes dans la société égyptienne. Et que même si pendant toute cette période égyptienne qu'on vient d'évoquer, on sent qu'il y a une certaine distance qui peut se créer entre un peu l'aspect mystique, cet aspect mystique de la médecine, etc., eh bien, la distance, elle ne va pas se creuser comme on aurait pu s'y attendre, mais se raccourcir au fur et à mesure à partir de la basse époque égyptienne, donc c'est-à-dire de moins 750 à moins 332. Là, on arrive à une médecine qui, paradoxalement, va se rapprocher du spirituel. Et qui va devenir moins rationnel et qui se développe pratiquement jusqu'à la fin du premier millénaire, vers 30 avant Jésus-Christ. Donc, si on a une grande proportion de prêtres dans les médecins, du coup, ça n'exclut absolument pas la spécialisation. Et ça, c'est aussi un autre aspect qui va arriver, puisque les médecins généralistes, on les appelle les sous-nous à l'époque, mais il y a tout de même beaucoup de spécialisations avec des médecins pour les yeux, pour les dents, pour le ventre, des prothésistes, même il y avait déjà des prothèses qui existaient à l'époque, utiles pour les amputés, et il y avait, pour le fun fact, même des médecins spécialisés pour l'anus, qui étaient les ancêtres des proctologues, et qui ont un titre assez rigolo, qui va vous plaire, j'en suis absolument sûr, puisqu'on les qualifiait de bergers de l'anus. Voilà. Et parmi ces nombreux médecins, on peut observer qu'il y a une hiérarchie qui se met en place avec des médecins de base, entre guillemets, des chefs médecins, des inspecteurs, jusqu'au grand chef des médecins, au médecin du roi, etc. Donc, on a un système médical complexe et complet qui se met déjà en place à partir de cette époque en Égypte. D'ailleurs, un système complexe et complet et qui était considéré comme un service public, puisqu'il était, lui, contrairement à la Mésopotamie, gratuit et pour tout le monde. Ça, c'est hyper important de le préciser. Bref, du coup, parler de hiérarchie, ça m'offre une bien belle transition vers le plus connu des médecins, celui dont le nom a traversé l'histoire et qui est aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, connu de tous, Hippocrate. Voilà, je vous ai réservé un petit morceau de chronique de 5 minutes sur Hippocrate parce que c'est très intéressant. Mais du coup, avant de détailler ce qu'il a pu apporter à la médecine, on va essayer d'introduire un petit peu le personnage avec sa région et son époque. Et puis avant Hippocrate, il y a eu pas mal de monde qui a travaillé sur la médecine, sur le sujet. Donc en Grèce, il y a en effet une chose qui va bousculer un petit peu les habitudes de la médecine, c'est que jusque-là, les autres peuples considéraient que l'organe qui dirigeait tout, et dont venait la vie, c'était le cœur ou le foie. Ce qui peut expliquer d'ailleurs que sur certaines momifications, il faudra vérifier, ça se trouve je me trompe, mais il me semble bien que sur certaines, on retrouvait le cœur, des fois. Parce que celui-là, vu que c'était le centre de l'âme, on le déplaçait absolument pas, parce qu'il ne fallait pas entacher l'âme du défunt. Oui ? Non, j'avais juste une petite question qui venait de la chatroom. Comme tu parles à ces époques même dont tu as parlé, que ça s'organisait de plus en plus, on a une question à savoir, est-ce que tu sais s'il y avait des pharmaciens, même plus tôt ou même aux époques que tu commences à aborder ? Oui. Alors, il y avait des sortes de pharmaciens, des sortes de boutiques, même en Mésopotamie, où les gens pouvaient se fournir. Après, c'était des petites boutiques. Là, en Grèce notamment, il y a des petites boutiques qui avaient ouvertes. Après... Mais qui étaient liées avec les médecins ou qui étaient plus indépendants des fournisseurs de remèdes qui faisaient office plus ou moins de médecins aussi? Alors, d'après ce que j'ai lu, c'est pas forcément les deux. Et moi, j'ai lu qu'il y avait des boutiques simplement qui vendaient des remèdes comme ça. De là à ce qu'ils se prétendaient médecins, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, et je vais y revenir, à un moment donné, le statut de médecin a fait qu'il y a eu beaucoup une prolifération de charlatans Et du coup, de personnes qui potentiellement vendaient des remèdes qui n'étaient pas des vrais remèdes. Donc ça, c'est sûr. Mais dans tous les cas, je sens le point homéopathie arriver. Pas. D'accord. Non, même pas. Mais en tout cas, oui, il y avait des ancêtres de la pharmacie où on pouvait se fournir un peu en herbe ou des choses comme ça pour guérir. Ça et ça, il y avait tout à fait. Du coup, avec l'apparition des philosophes, et notamment des disciples de Pythagore, qui n'étaient pas seulement mathématiciens, on remet en cause, du coup, cette évidence qui était de penser que le cœur, c'était le centre de l'âme, de la vie. Et du coup, Alcméon, un médecin du 6e siècle avant Jésus-Christ, affirme que c'est le cerveau qu'elle met à bord. Donc ça, c'est une petite révolution. D'ailleurs, c'est tellement une révolution dans le milieu que la plupart de ses camarades refusent catégoriquement de reconnaître la véracité de ses propos. Donc le mec sera pas ignoré, mais presque, jusqu'à l'arrivée d'Hippocrate, qui se penchera à nouveau sur la question et qui validera la thèse d'Alcméon. Mais on n'en est pas encore sur Hippocrate. Donc avant lui, il y a aussi Empédocle, qu'il faut aborder, qui est un médecin né en Sicile au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et lui, il se penche, entre autres choses, sur la reproduction et les fœtus. Par exemple, il déduit que l'embryon, c'est le fruit de deux semences, bon, il appelle ça des semences, respectivement de l'homme et de la femme. Donc on a le spermatozoïde hein, quand même et l'ovule qui peuvent être là évoqués, entre guillemets, ou imagés, s'ils ne sont pas évoqués directement. Et que, du coup, cet embryon, il grandit dans l'utérus en compagnie du placenta. Donc là aussi, il y a une évolution de la connaissance du corps humain et surtout du corps de la femme. Il étudie également les périodes optimales de reproduction. Du coup, il dégage l'idée de ce qui deviendra plus tard, en fait, l'ovulation, ce qu'on connaît sous le concept d'ovulation. Il est également à l'origine de la théorie des racines, qui consiste à croire que la santé d'un homme elle repose sur un équilibre entre plusieurs éléments. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il est important de souligner, c'est justement que cette mise en avant de théorie, il y en a de très nombreuses qui vont se développer et qui ne sont pas toujours justes, mais certaines, dont la théorie des racines, vont inspirer assez grandement Hippocrate dans sa médecine. Parmi ces théories, on peut également citer la théorie des crises, hein, soutenue par Anaxagore de Clazomène, qui prétend que les crises de type épilepsie, elles sont d'origine naturelle, et que ce ne sont pas des manifestations divines. Donc ça, c'est aussi hyper important, parce qu'on revient sur une pratique de la médecine très concrète, et on enlève tout le côté spirituel qu'on pouvait accorder parfois à des crises comme l'épilepsie. Donc l'idée, c'est de bien faire une distinction entre cette religion et ce mystique d'un côté, et le rationnel, le scientifique de l'autre. Même s'il faut quand même nuancer hein, ce que je dis, bien entendu, parce que des fois, on y fait encore référence. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses dissections qui sont pratiquées, surtout sur des animaux, hein, puisque sur les humains, c'était interdit, notamment par le célèbre médecin Diogène, et ça va permettre d'assez grands progrès en anatomie, notamment où il va y avoir des dessins, des croquis qui vont être faits pour mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et du coup renforcer cet aspect très concret de la médecine. C'est en Grèce, à partir du 7e siècle avant Jésus-Christ, qu'apparaissent vraiment les premiers médecins, on va dire, sédentaires, puisque jusque-là, ils étaient un petit peu nomades parfois. Donc, des médecins qui vont rester dans la cité pour soigner les malades et qui sont toujours des hommes libres et qui soignent des hommes libres, hein, puisqu'on fait bien la distinction entre les hommes libres et les esclaves, et donc les esclaves, s'ils veulent se faire soigner, ils ont qu'à se le faire entre eux. En fonction du coup des cités, vu qu'ils deviennent sédentaires, leur statut il va profondément changer. Puisqu'à l'époque, les cités elles ont des politiques extrêmement différentes d'une cité à l'autre. Et donc, dans certaines cités, les médecins ils vont être considérés comme des fonctionnaires, tout simplement. Ils vont être payés par l'État et ils ne vont pas faire payer les patients, tout simplement. Et dans d'autres cités, ils vont être extrêmement précaires. Ils vont devoir faire payer les patients, ils ne seront pas vraiment reconnus. Donc, on a vraiment des statuts extrêmement divers sur tout le territoire grec et qui vont se développer durant toute cette période. Quoi qu'il en soit, le médecin à l'intérieur de la ville. Il se déplace pour guérir du coup les patients, mais il reçoit aussi. Et donc, il va y avoir, on va dire, une espèce d'apparition de l'ancêtre du cabinet médical, qui est souvent la maison du médecin, en fait, sa propre maison. Elle est équipée de lits pour accueillir les malades, et on y retrouve de multiples instruments pour pratiquer la chirurgie et d'appareils pour soigner un peu tout et n'importe quoi, comme par exemple des appareils pour réduire une luxation ou une fracture, ce genre de choses, des appareils qui vont permettre d'immobiliser par exemple un bras ou de le remettre en place. Enfin voilà, c'est assez intéressant de noter que cette pratique de la médecine, elle est au fur et à mesure, comme je le disais, déconnectée de la religion dans un premier temps, mais dans un second temps également, de la philosophie, qui joue un rôle pourtant hyper central dans la compréhension de la médecine au début de l'époque grecque. Hein, il faut bien prendre conscience qu'au début de cette époque grecque, s'il y a aussi eu des progrès en médecine, c'est parce que les philosophes se sont vraiment penchés dessus et que la médecine, ça fait partie d'un tout. C'est imbriqué avec la philosophie. Et donc, le fait de séparer cette pratique de la philosophie, on le doit entre autres à Hippocrate, autour duquel je tourne un petit peu depuis tout à l'heure. Et justement, il est temps d'évoquer un peu ce qu'a pu nous apporter cet Hippocrate, qui est quand même considéré par de nombreuses personnes comme le père de la médecine. Donc, on vient de le dire dans un premier temps, il sépare le mystique et le religieux de la médecine. Et si maladie il y a, c'est dû à d'autres facteurs que le divin, comme l'alimentation, le climat, l'environnement, etc. Cette approche, faut bien prendre conscience de quelque chose, c'est que même si elle peut nous paraître simple, elle change beaucoup, beaucoup de choses, puisque par définition, contre une maladie plus rationnelle, on peut être plus pragmatique dans le traitement. Ce traitement, dans la médecine hippocratique, c'est souvent du repos, hein, beaucoup de repos, mais aussi des médicaments, des plantes, etc., même si parfois il serait un peu frileux à l'idée d'administrer des médicaments. Dans des cas de fracture, par exemple, il va immobiliser tout simplement le bras ou la jambe fracturée. Il va recommander cette immobilisation et du coup, l'immobilisation elle est parfois couplée, comme je le disais tout à l'heure, à des machines pour remettre tout ça en place. Et il va avoir des résultats plutôt positifs par rapport à d'autres écoles de médecine. Donc, du coup, on va commencer à aller du côté d'Hippocrate parce qu'on se dit « Ah tiens, il a des bons résultats, ce monsieur. » Et d'ailleurs, ça n'empêche pas qu'Hippocrate ne rejette absolument pas les autres écoles de médecine qui peuvent être pratiquées à l'époque, hein, loin de là, puisqu'il ira, en tout cas la légende lui attribue tout le mérite, mais c'est certainement faux, il ira jusqu'à compiler toutes les informations médicales de l'époque. Et ces informations médicales, dénuées de mysticisme et de religieux, comme il le voulait, il va compiler tout ça dans un énorme corpus de textes qu'on appelle le corpus hippocratique. Voilà. On y retrouve 70 ouvrages, dont des manuels, des comptes rendus de conférences, des recherches, des notes, des pense-bêtes, etc. Et on voit bien l'intérêt d'un tel regroupement de documents, puisque ça peut aider d'autres médecins et futurs médecins à mieux comprendre la maladie et les blessures. Alors quand je dis que c'est une légende, hein, le fait qu'il ait compilé tout ça, c'est-à-dire que on nie pas qui peut être à l'origine, qui peut être la motivation qui a incité d'autres personnes à rassembler ces documents pour en faire ce corpus hippocratique. Mais on va dire que ces écrits, ils ont été cumulés sur une période d'un siècle environ, d'un peu plus d'un siècle. Donc on peut dire qu'il est plus à l'initiative du projet, mais qu'il n'en est pas l'auteur exclusif. Ça semble assez évident, et c'est surtout ses élèves ou d'autres médecins qui ont pu collecter ces données et les rassembler ensemble dans ce corpus hippocratique. Ce qu'Hippocrate apporte également à la médecine, c'est une certaine rigueur dans la manière d'analyser et de soigner le patient. Par exemple, il attache beaucoup d'importance aux conditions dans lesquelles se passe une opération. Donc il va détailler l'emplacement du médecin, du patient, des instruments. Il va détailler un petit peu les personnes qui doivent aider autour, etc. Et donc, là, il détaille un petit peu, il s'étend un peu sur la procédure. Et donc, on peut parler d'un aspect beaucoup plus professionnel de la médecine, puisque là, il dit, bon, bah voilà, faut faire comme ci, comme ça, comme ça, pour éviter qu'il y ait des risques, pour faire les choses bien. Du coup, il attache aussi une importance primordiale à l'éthique dans son travail. Et c'est ce qui va d'ailleurs donner naissance au fameux serment d'Hippocrate, qu'on connaît tous, plus ou moins, et que les jeunes diplômés en médecine récitent toujours à notre époque pour jurer de pratiquer leur activité dans le respect du patient, pour le patient, etc. Il y a quand même une légère nuance à apporter, du coup, puisque ce texte, en fait, c'était... la version qui nous est transmise aujourd'hui est souvent une version qui est modifiée. Et en plus, la paternité d'Hippocrate sur le serment, on la remet parfois en cause. Mais enfin, ça, c'est suivant les sources, on n'est pas bien sûr. En tout cas, il a participé à améliorer le vocabulaire, ça c'est clair, le vocabulaire de médecin, et le classement des maladies et des douleurs. Par exemple, c'était le premier à employer des termes comme faire une rechute, où il y a un pic de douleur, qui sont encore utilisés aujourd'hui. Et ça a été le premier à classer les maladies en types aussi, hein, par exemple des maladies aiguës, chroniques, endémiques, épidémiques, etc. Et donc, ils fondent des bases entières de la médecine, même si parfois elles ne sont pas toujours justes. C'est pour ça qu'il a une énorme influence sur toute la médecine, après, qui va avoir lieu dans le monde arabe, mais aussi en Europe. D'ailleurs, si la médecine d'Hippocrate, elle se fonde principalement sur le pronostic du patient, donc sur la façon dont va évoluer la maladie du patient en fonction de son état présent, il va aussi poser les bases, avec ses élèves, du diagnostic. Donc ça, c'est la recherche et l'enquête de l'origine du mal qui ronge le patient. Donc c'est différent. Et ça, c'est aussi assez bien, puisque le diagnostic, c'est un peu la base de la médecine moderne. Voilà. Pour en finir, du coup, rapidement avec Hippocrate, hein, puisqu'il n'a quand même pas l'exclusivité de l'histoire de la médecine, faut souligner le fait que voilà, il n'avait pas toujours tout juste. Par exemple, sa médecine, elle se reposait principalement sur ce qu'il appelait la théorie des humeurs, qui était elle-même influencée par les quatre éléments et par des théories comme la théorie des racines que j'évoquais tout à l'heure. En gros, les quatre éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air, qui ont leur équivalent dans le corps, le sang, la lymphe, la bile jaune et la bile noire. Et si tous ces éléments ils sont en équilibre dans notre corps, on est en pleine santé. Si la balance penche d'un côté ou de l'autre, bah, on est malade. En gros, ça, c'est sa théorie à lui. Si, du coup, la notion d'équilibre, on peut tout à fait l'évoquer de nos jours, hein, cette théorie dans le, entre guillemets, dans le corps, parce qu'on parle souvent d'équilibre dans notre corps. Voilà. En tout cas, on peut plus vraiment l'appliquer pour expliquer et comprendre le mal du patient. Et du coup, le souci avec Hippocrate, c'est que le rayonnement de son action et de sa médecine, ils ont été tels, il a tellement eu un impact fort sur la médecine, que du coup, pendant pas mal de temps après sa mort, il y a eu une espèce de stagnation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès, mais globalement, une stagnation des avancées en médecine, voire même parfois des retours en arrière parce qu'on avait du mal à remettre en question le formidable travail qu'Hippocrate avait accompli, et on avait du mal à s'avouer que bah, lui aussi pouvait avoir ses faiblesses et des faiblesses dans ses théories. C'est un peu voilà. Le Aristote de la médecine, quoi. Oui, oui. C'est ça. C'est ça. En tout cas, je pense que du coup, on va pouvoir fermer cette parenthèse hippocratique, hein, avec ce petit résumé dans lequel j'ai quand même pris pas mal de raccourcis. Vous me pardonnerez là-dessus. Et puis s'il y a des précisions à apporter, n'hésitez pas, hein, dans la chatbox. Il y avait justement deux questions sur cette période, mais je ne sais pas si tu préfères les prendre maintenant ou à la fin. Tu peux les dire, je te dirai si je sais ou pas y répondre, il n'y a pas de souci. Il y avait une première question qui était comment le revirement de situation du siège de l'âme, du cœur vers le cerveau, s'est opéré, comment ça a été argumenté, comment ça s'est fait, comment tout ça. Alors c'était les philosophes, hein, tout simplement, parce que Alcéon, c'était vraiment un philosophe et médecin, et du coup là c'était des... c'était des théories, entre guillemets. C'était de la philosophie contre philosophie. C'était, bah, moi, je pense que l'univers, il tourne comme ça. Non, moi, je pense que c'est comme ça. Là, c'était un petit peu pareil. Il y a une école qui disait, ah, bah, moi, je pense que c'est le cœur. Bah, moi, je pense que c'est la tête. Je suis pas assez versé dans la philosophie de l'époque pour détailler comment c'est fait. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il a posé les bases de ce postulat, il s'est fait un peu copieusement ignoré par pas mal de gens, parce que les gens supposaient qu'il était en train de dire des cracks. Ça, c'est clair. Mais ce qui est sûr, c'était les théories philosophiques qui se sont dégagées au départ, parce que à l'époque, la philosophie et la médecine, c'était une seule et même chose, presque. Donc pas plus d'arguments que ça, quoi. Pas plus d'arguments que ça, de mon côté en tout cas, mais je suis sûr d'avoir lu des trucs dessus qui ont dû m'échapper. Donc l'info est trouvable, ça c'est clair. Ok. Et sinon, il y avait une deuxième question qui était: comment a été accueillie la théorie de l'origine de double semence pour les embryons humains? Ça, c'est une bonne question aussi. Je ne sais pas. Ouais, t'as le droit de dire je sais pas aussi, hein, je veux dire. Et je manifeste ce droit, je ne sais pas, voilà. Je ne sais absolument pas. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, du coup? Non, c'est bon. Ok. Du coup, comme je disais, on va avancer un petit peu dans le temps, mais pas beaucoup, puisqu'on va pas si loin. On va dans la continuité de ce que je fais tout à l'heure et dans le balayage qu'on fait des différentes civilisations. Et du coup, on va aller faire un petit tour du côté de Rome, qui finalement ressemble en fait assez à la Grèce. Hein. C'est assez logique au vu des influences. C'est même normal, puisque l'essor de la médecine romaine est en fait en grande partie dû aux médecins grecs qui venaient s'y installer avant même que la Grèce ne soit contrôlée par l'Empire romain. Parce qu'à partir d'un moment, forcément, l'Empire romain a pris un peu le contrôle sur la Grèce, et il y a tout le savoir, toutes les élites qui sont un peu transférées vers Rome, ou qui sont venues à Rome apporter leur savoir, et donc il y a des révolutions dans pas mal de milieux à l'époque. Et d'ailleurs, heureusement pour eux, hein, puisqu'avant ça, la médecine c'était quand même assez mal considérée à Rome, et d'ailleurs la plupart des familles qui avaient des esclaves, vous voyez juste pas l'intérêt d'avoir un esclave médecin, parce que ça existait, les esclaves médecins, comme il existait d'ailleurs des esclaves professeurs, hein, qui enseignaient aux enfants. Du coup, ils voyaient absolument pas l'intérêt d'en avoir, c'était un petit peu mal vu. Ils peuvent remercier un petit peu les Grecs de s'être ramenés pour avoir fait évoluer les choses. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a tout un système de médecine privée qui se met en place, avec des médecins qui peuvent faire payer extrêmement cher pour leurs services. Et d'un autre côté, il y a une sorte de service public, principalement organisé à partir du deuxième siècle de notre ère, qui va se mettre en place. Donc on a vraiment deux systèmes différents. Et ce service public, il était composé de médecins qu'on appelait des archiatres populaires, et qui formaient une sorte de guilde, de regroupement, qui allait être limité en nombre de places en fonction de la taille de la ville. Et leur mission, du coup, c'était de soigner les pauvres, tout simplement, qui n'avaient pas les moyens de se payer des médecins privés. Et ça, c'était l'exclusivité de Rome, ou ça s'étendait justement dans l'intégralité de l'Empire? Ça, je l'ai lu sur Rome. Je me suis D'accord. principalement concentré sur Rome. Okay. Je ne sais pas si c'était le cas. Ailleurs, ce qui est sûr, c'est que l'Empire est extrêmement large. Donc, au bout d'un moment, les us et coutumes étaient totalement différents d'une région à l'autre. Donc, il est fort possible que ça ne soit pas le cas dans tout l'Empire. Ouais, j'imagine. Ça, c'est clair et net. Du coup, ce groupe-là, il était public, mais beaucoup de médecins se réunissaient aussi en groupe pour pratiquer la médecine et tenter de se faire connaître. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de diplôme de médecin. Et du coup, comment on fait pour démarquer un bon médecin d'un mauvais médecin? Bah, ça jouait tout simplement sur la notoriété du médecin. C'était de là que venait sa légitimité. Ce qui, à un moment donné, du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, a attiré beaucoup de charlatans, parce que voilà, c'est ma classe disait, bah tiens, moi je vais essayer de me faire connaître en inventant tel ou tel pipeau, et du coup essayer de monter mon business, alors qu'en fait, c'était pas vraiment des médecins. Enfin bref, du coup, ces groupes, ils n'étaient pas réservés qu'aux médecins, puisque c'est à Rome que pour la première fois, des sages-femmes se réunissent en corporation pour créer une véritable entité, avec des sages-femmes généralistes et d'autres spécialisées, afin de mieux accompagner les patientes. On a donc des véritables entités, des véritables institutions qui naissent et qui ont chacun leur spécialité, que ce soit de la médecine générale, les accouchements, la chirurgie notamment pour les gladiateurs. On avait des chirurgiens spécialisés pour les gladiateurs, etc., etc. Mais là où la médecine va se développer beaucoup à Rome, c'est aussi dans les institutions militaires, puisque Rome, qui a été quand même un énorme empire, vraiment basé sur cette conquête militaire. Et du coup, Rome comprend bien l'intérêt d'avoir une armée en forme, avec des médecins capables de soigner leurs combattants. On a du coup des médecins de guerre qui sont formés, qui ont des titres, parfois d'officiers non combattants, mais qui souvent ont une place importante pendant la bataille et après. Pendant la bataille, par exemple, certains médecins sont placés derrière les premières lignes pour évacuer les blessés. Ils sont quand même au cœur de l'action pour pouvoir être efficaces. Et quand un blessé il n'est pas rafistolable sur place, il y a des ambulances avec des chevaux qui viennent transporter le patient jusqu'à l'hôpital militaire, généralement situé dans le camp romain. Dans ces hôpitaux de campagne, ils sont construits avec une certaine rigueur autour d'un jardin où on va trouver des plantes médicinales pour pouvoir soigner les patients. Et dans ces hôpitaux, chaque pièce a une fonction pour tenter d'éviter les infections. Même si on ne sait pas trop ce que c'est à l'époque, on pressent un petit peu et du coup, on compartimente chaque pièce. Chaque pièce a une fonction. On a donc d'un côté la salle d'attente, de l'autre l'auscultation, puis la morgue, la pharmacie, etc., etc. Et tout ça, pas au même endroit. Ça caractérise une des spécificités de la médecine romaine, à savoir du coup l'importance accordée à l'hygiène, que ça soit l'hygiène de vie, tout simplement, mais aussi la propreté de l'eau utilisée pour boire, pour se laver, pour nettoyer les plaies, etc. etc. C'est d'ailleurs intéressant de voir que la chirurgie romaine, qui était très développée pour l'époque, c'est assez intéressant de voir que la chirurgie romaine, en fait, elle est hyper développée pour l'époque, parce qu'en fait, il va falloir attendre près de 1000 ans pour avoir des méthodes et des instruments plus efficaces que ce qu'on a à l'époque romaine. Donc c'est intéressant de voir que même si les médecins ils ignorent, par exemple, la présence des bactéries ou l'existence des bactéries, ils font déjà bouillir les instruments chirurgicaux avant de pratiquer, ce qui limite quand même grandement le risque d'infection et autres. Il y a donc stérilisation des instruments et diminution des contaminations et infections. Pour en finir à l'époque romaine, donc on a ouvert avec les Grecs. Si les Grecs, ils ont Hippocrate, les Romains, ils ont aussi des grands noms de la médecine, et particulièrement trois médecins que je vais citer, avec des prononciations plus ou moins difficiles. Donc on a en premier Dioscoride, qui a rédigé un ouvrage en 5 tomes, et qui pose les bases de la pharmacopée moderne. Donc c'est un des livres les plus importants de l'époque. La pharmacopée, c'est un ouvrage, une encyclopédie, on va dire, qui recense les plantes, les minerais, enfin les produits qui peuvent servir pour soigner les gens. Je précise si les auditeurs ne le savent pas. Donc Dioscoride qui rédige cet ouvrage en 5 tomes. On a aussi Soranos d'Éphèse qui écrit le traité le plus complet de l'Antiquité sur les maladies des femmes et sur la gynécologie, ce qui est quand même pas rien parce que, alors que c'est des femmes qui le pratiquent, là on a un homme qui vient et qui écrit un bouquin dessus et qui sera une référence pendant longtemps. Et enfin, on a peut-être le plus célèbre, Claude Galien, qui pose les bases de la médecine occidentale pour 1000 ans. Voilà, rien que ça. Il fera d'ailleurs une observation assez capitale sur l'anatomie, qui sera valable avec la pensée des médecins de la Renaissance, puisqu'il dit « J'affirme que le médecin doit savoir comment est chacun des os en lui-même et comment il s'assemble avec les autres os s'il veut soigner correctement leurs fractures et leurs luxations. » Du coup, on pourrait dire autant de choses sur Galien que sur Hippocrate, mais on ne va pas... on va pas y repasser encore 5 minutes. On va juste se contenter de dire que son œuvre, en gros, elle est immense, vraiment immense, sur pratiquement tous les domaines de la médecine, mais en plus de ça, aussi sur les mathématiques, sur la philosophie et sur bien d'autres domaines. Et le problème, c'est que son travail, une grande partie de son travail, et ben en fait disparaît tout simplement avec la chute de l'Empire romain d'Occident, ce qui est un peu ballot. Donc il y a une grosse partie de ce travail qui sera en réalité préservée par l'Empire romain d'Orient, qui traduira ces textes et qui finiront par réémerger en Europe à partir du XIe siècle. Mais du coup, pour l'Occident, pour l'instant, tout ce savoir, il est un petit peu perdu. Donc on va stagner un petit peu. On a une perte brutale d'un patrimoine, du coup, qui va pousser le développement médical vers le monde arabe et l'Europe. Là, ouais, pendant presque un peu moins de 1000 ans, va totalement stagner, en fait. Totalement, j'exagère. mais en tout cas, va stagner. À la chute de l'Empire romain, faut bien comprendre qu'il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que dans les anciennes régions de l'Empire, qui se sont un peu disloquées dans tous les sens, on a eu des problèmes administratifs, on a eu des problèmes politiques, des problèmes culturels, des problèmes religieux. Il y a eu parfois conquête et reconquête de territoires, mélange des populations, celtes, germaniques, etc. Il y a eu mélange des langues. Donc, la plupart des textes médicaux qui n'étaient pas traduits pour être transmis à ces populations, qui avaient totalement changé de langage, etc., ce manque d'information et de traduction couplé au fait que la médecine traditionnelle des peuples présents, hein, comme les Celtes, hein, avec leurs druides, font qu'on retourne à une médecine un peu bancale et un peu mystico-religieuse, alors que, comme je vous le disais, on avait eu tendance à se séparer un petit peu de toute cette religion. Du coup, les seuls vrais garants, entre guillemets, de l'ancienne médecine, c'est les moines. C'est les moines qui n'ont pas beaucoup de matériel pour travailler et qui font avec les moyens du bord. Quand je précise matériel, hein, je précise textes, hein, les textes qui ont été perdus. C'est les moines, et du coup, d'ailleurs, même si les abbayes sont souvent en concurrence les unes avec les autres, ils arrivent quand même à se fédérer autour de cette transmission du savoir et autour de cette préservation du savoir. Et du coup, ils échangent les quelques traités médicaux qu'ils ont entre eux, et il est copié, tout simplement, pour entretenir ce savoir et pour pas que ça se perde. Voilà, donc c'est dans ces monastères-là que va se redévelopper ou se développer, en tout cas en Europe, des jardins médicinaux et puis une certaine idée de la médecine, où les moines ils vont faire pousser des herbes et des plantes pour préparer des potions, des remèdes, etc., pour soigner les malades. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, ces jardins, ils servaient aussi aux moines, hein, pour fabriquer des liqueurs, des liqueurs qui prétendaient médicinales alors qu'elles n'étaient pas du tout. Et ils les vendaient assez bien pour se faire de l'argent. Et du coup, c'est comme ça que beaucoup d'abbayes se sont fait pas mal d'argent à cette époque. Enfin bref, du coup, si les initiatives comme ça de partage des traités médicaux, du savoir médical et de l'entretien de la médecine existent jusqu'au 10e et surtout 11e siècle, il n'y a pas beaucoup de progrès qui sont faits en Europe. Pendant ce temps-là, les Arabes, eux, ils n'étaient pas du tout dans la même situation lorsque l'Empire romain d'Occident s'est écroulé, parce que l'Empire romain d'Orient, lui, il était toujours là, et la transition s'est quand même mieux passée. Donc, pendant ce temps-là, les Arabes, ils ont repris le flambeau de la médecine, et ils s'appuient sur les textes d'Hippocrate et de Galien pour développer leurs pensées. Et en gros, pendant quelques siècles, ils ne vont pas chômer, ils vont améliorer considérablement la médecine et dans tous les domaines. D'ailleurs, il y a même des personnes qui n'hésiteront pas un instant à réfuter certaines thèses des deux pères de la médecine qu'on a évoquées, hein, comme la fameuse théorie des humeurs, qui est parfois écartée, par exemple, pour développer de nouvelles théories. C'est pas le cas général, mais en tout cas, il y a eu des oppositions, et ça déjà, c'est assez précurseur en la matière. Donc c'est par exemple le début de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. On analyse, on teste, on reteste une solution encore et encore jusqu'à confirmer une hypothèse. Et donc, on analyse des patients, on teste et on reteste des traitements, etc., jusqu'à voir si ça fonctionne ou pas. Au Xe siècle, il y a un médecin persan extrêmement connu qui s'appelle Avicenne, qui va écrire deux livres de référence pour la médecine, qui vont avoir une influence absolument énorme sur la médecine arabe, mais aussi toute la médecine occidentale, quand plus tard, les sept textes ils vont être traduits. Donc ces deux livres, on a le Canon de la médecine, qui a été écrit en 1020, et le Livre de la guérison, écrit courant 11e, et qui vont servir de base pour l'enseignement de la médecine en Europe jusqu'au XVIIe siècle, donc presque pendant 5-6 siècles, ce qui est quand même pas rien. Donc la méthode expérimentale dont on a parlé d'ailleurs, Avicenne, lui, il va l'utiliser assez couramment. Il va mettre en place des essais cliniques sur des patients afin de déterminer les traitements efficaces, c'est ce que je vous disais. Hein. On teste un traitement sur un échantillon de personnes pour voir si c'est efficace ou pas. Donc là aussi, il est vraiment précurseur. Est-ce que c'est à lui qu'on doit l'invention du placebo s'il faisait ses essais cliniques? Il comparait avec quoi finalement dans ses essais? Ah, ça, c'est une bonne question sur l'effet du placebo. Je n'ai pas les données là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'était le premier à faire ce genre de test, à compartimenter, à se dire, tiens, je prends 20 personnes, je vais tester le truc sur 20 personnes, et on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Les tests, entre guillemets, AB, etc., c'est lui vraiment qui a été précurseur là-dessus, quoi. D'accord, ok. En tout cas, à côté de ça, il a introduit aussi pas mal de choses dans la médecine, comme la mise en quarantaine pour certaines maladies. Hein, il va observer qu'en mettant des gens de côté, ça va limiter des risques de propagation, etc. Mais il va aussi décrire assez précisément des MST, par exemple. Et il va découvrir l'existence des bactéries. Enfin, du coup, il a un apport assez énorme pour la médecine. Et c'est pas le seul, hein, puisque pendant cette période, il va y avoir de nombreux médecins arabes qui vont innover dans plein de domaines, sur la chirurgie, sur l'ophtalmologie, même sur des concepts de psychologie, qui ont développé plein d'outils, plein d'instruments, comme la seringue à injection, et qui un peu plus tard mettront en évidence la présence d'un système immunitaire chez l'homme, l'existence de micro-organismes qui transmettent ou déclenchent les maladies, etc. Donc, si les Européens, de leur côté, stagnaient, on peut vraiment dire que les Arabes, c'était un peu tout le contraire. Alors, la question qu'on peut se poser, du coup, c'est comment est-ce que ce savoir arabe, il a été transmis jusqu'à l'Occident? Et là, c'est assez simple, puisque ce sont des hommes qui ont dédié une grosse partie de leur vie à la traduction des ouvrages arabes en latin, principalement, afin de propager cette culture médicale. Donc on a par exemple Constantin l'Africain, qui a traduit au XIe siècle beaucoup de petits manuels, mais aussi et surtout un ouvrage du célèbre médecin Ali Abbas, écrit au Xe siècle, et qui s'intitule « Le livre complet sur l'art médical », et qui est rien de moins qu'une des premières très grosses encyclopédies arabo-musulmanes dédiées à la médecine. En soi, c'est assez formidable, hein, parce que ça permet une transmission du savoir, mais il y a quand même beaucoup de problèmes qui se posent, parce que dans ces traductions, en fait, ces textes, ils ont déjà été simplifiés en arabe pour constituer une encyclopédie, donc on perd un peu en précision. Et au-delà de ça, Constantin lui-même simplifie par-dessus la pensée pour transmettre l'information en latin. On rajoute également le fait que une bonne partie de la médecine arabe, elle s'appuie sur les textes grecs, qui ont déjà été traduits du grec à l'arabe, et du coup de l'arabe au latin pour être accessible en Europe. Donc ça pose des soucis de compréhension, de contradiction même parfois dans certains ouvrages de Constantin, et ça dilue quand même pas mal la portée de certaines informations importantes et originales. Enfin, le dernier point qu'il faut soulever sur ces traductions, c'est qu'elles ne se basent pas vraiment sur les plus grands textes de la tradition médicale arabe. Il y en a beaucoup, hein, dont ce grand livre qui ont été abordés, mais Avicenne, par exemple, qu'on a cité tout à l'heure et qui a fait plein de choses formidables, il fait pas partie des traductions de Constantin, ce qui est quand même hyper dommage. Il va falloir attendre, du coup, d'autres personnes, comme Gérard de Crémone, au XIIe siècle, qui, lui, va traduire certains livres d'Avicenne, et beaucoup d'autres, et il va vraiment inonder l'Occident de ce savoir médical en traduisant tous ses ouvrages. D'ailleurs, lui-même, il ira chercher les anciens écrits grecs de Galien pour les traduire directement en latin, histoire qu'il y ait le moins de pertes possibles dans ces histoires de traduction. Donc avec Constantin l'Africain et Gérard de Crémone, entre autres traducteurs, hein, puisqu'il n'y a pas que, on arrive à porter en Europe, plus ou moins fidèlement, la vieille médecine antique et les apports nouveaux des Arabes. Et pour reconstituer tout ce savoir, faudra près de deux siècles, on va dire, puisque si ça a commencé au XIe siècle, on estime qu'en gros, le gros de la traduction, c'est fini vers la fin du XIIIe. Alors, bien évidemment, hein, tous ces apports depuis le XIe en Europe font qu'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il ne faut pas louper le coche, puisqu'on a tout ce savoir qui arrive et qui a prouvé sa valeur, entre guillemets. Donc on a des écoles de médecine qui vont s'ouvrir un peu partout en Europe. La première et la plus connue, c'est celle de Salerne, en Italie, qui est en fait à la base un hôpital qui avait été construit entre le 7e et le 9e, ça on ne sait pas trop au niveau des sources, et qui progressivement s'est transformé en école aux alentours du 11e siècle surtout. Et cette école, elle a également participé à un certain nombre de traductions, et sa force était surtout d'avoir une population d'élèves et de professeurs qui était extrêmement diverse, qui venaient d'horizons totalement différents, et qui, du coup, pouvaient analyser et comparer les différentes méthodes, les différentes pratiques de la médecine, et du coup, écrire des livres originaux qui résumaient assez bien les nouveaux courants de pensée. D'ailleurs, on a une légende qui veut que l'école elle a été fondée par un maître juif, un arabe, un latin et un grec, ce qui peut vous évoquer un petit peu Poudlard pour ceux qui lisent Harry Potter. Oula, et... attends, parce qu'après il faut demander c'est qui Serpentard, c'est qui Poufsouffle, il y a ce genre de comparaison. on va pas se lancer dans la comparaison entre les professeurs, mais en gros, moi c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, c'était assez rigolo. Ce qui est aussi en fait important dans cette école, c'est que les femmes, elles peuvent non seulement apprendre, mais aussi enseigner. Et ça, c'est aussi pas anodin, et donc il faut le souligner. Salerne, c'est donc la première école qui va ouvrir la voie à de nombreuses autres à travers toute l'Europe, et en France, on aura deux grandes universités de médecine, celle de Paris et celle de Montpellier, qui sera créée au XIIIe siècle, qui est assez connue et où il y a eu vraiment pas mal de gens qui sont venus. Du coup, avec toute cette effervescence et tout ce savoir qui arrive, on commence à mieux comprendre les maladies, à mieux comprendre ce qui se passe, mais les progrès sur les traitements des maladies ne sont pas encore flagrants. On évolue dans la compréhension, mais pas dans l'application et la réponse. Par contre, on a la chirurgie qui progresse plutôt bien. Et ça, à partir du XIVe siècle, on commence à autoriser certaines écoles à pratiquer la dissection sur les corps humains. Ça, c'est nouveau. On en livre d'abord un ou deux par an à l'université pour faire quelques démos, mais il faudra attendre un peu pour voir cette pratique exploser, ce qui va permettre d'énormes progrès en anatomie, puisque jusqu'à présent, on ne disséquait que des animaux. Et du coup, forcément, bon, les animaux, c'est plus ou moins proche, mais ce n'est pas exactement la même chose que les humains. Donc, on a quand même une bonne partie des médecins qui se basaient encore sur les écrits de Galien à cette époque pour pratiquer. Et à partir de la moitié du XIVe siècle, on a tous ces principes qui vont être un peu remis en cause avec l'arrivée de la grande peste noire, en fait, qui va en Europe, qui va tuer en 5 ans à peu près 30% de la population européenne, tout de même, ce qui est quand même assez énorme, et contre laquelle, en fait, les enseignements de Galien et d'Hippocrate, par la même occasion, hein, ils vont pas être spécialement efficaces. Du coup, il va y avoir des dispositifs de prévention, d'hygiène, de prévention publique qui vont se développer pour limiter les risques de propagation de ces épidémies. Et on remet un peu au goût du jour la quarantaine que les Arabes pratiquaient déjà auparavant. Alors, entre-temps, il est quand même pertinent de préciser qu'à partir du XIIe siècle hein, et de l'explosion des apprentis médecins, l'Église, progressivement, interdit à ses moines d'exercer la médecine, dans les villes principalement, pour se concentrer sur la campagne, estimant que, en gros, il y a des réels progrès qui sont faits en médecine et que les médecins sont assez qualifiés pour la tâche et que du coup, il faut laisser la place à ces médecins. Donc, même si ça prendra quand même du temps à être appliqué, on a cette séparation du religieux et du scientifique qui revient sur le devant de la scène, qui refait son apparition progressivement et qui donc permet aux mentalités d'évoluer, notamment dans cette dissection effectivement des corps. Donc pour résumer, le Moyen-Âge, c'est pas une période totalement figée pour la médecine, hein, puisqu'il y a quand même des évolutions dans la pratique et dans les institutions, avec la création des hôpitaux, etc. Et il y a des évolutions dans la pensée, où à la fin du Moyen-Âge, on a plusieurs écoles qui s'affrontent, par exemple. On a ceux de la pensée helléniste, hein, qui défendent Hippocrate, qui défendent Galien, etc. Et ceux de la pensée on va dire arabisante, qui défendent les progrès et les influences arabes qui ont pu naître et qui pourraient être transmises en Occident. Et du coup, c'est pendant la Renaissance qu'on va assister à un renouveau de la médecine et de sa pratique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du XIVe siècle, on a quelques dissections qui commencent à faire leur apparition dans les écoles. Il faudra attendre le XVIe siècle pour que se développe une école d'anatomie sur Paris et qu'en 1531 soit nommé le professeur, un professeur d'anatomie qui s'appelle Jacques Dubois. Jacques Dubois qui va multiplier les dissections devant ses élèves et qui va découvrir pas mal de petites choses qui vont à l'encontre des connaissances et des préjugés hérités de Galien. Mais ça ne va pas suffire à certains de ses élèves. Notamment un qui s'appelle André Vessal et qui est assez connu et qui va non seulement continuer les dissections en allant du coup plus en profondeur mais en exploitant chaque cadavre qui lui est fourni au maximum jusqu'à ce que la chair d'ailleurs soit trop pourrie pour lui permettre de pratiquer correctement et il va réussir non seulement à découvrir plein de choses mais aussi à développer des nouvelles techniques de chirurgie qui vont révolutionner ce petit monde et faire que la chirurgie qui, entre-temps, s'est quand même pas mal dévalorisée depuis quelques siècles, qui font que la chirurgie va devenir une discipline à part entière de la médecine. Et d'ailleurs, on connaît tous, de près ou de loin, le nom d'Ambroise Paré, hein, qui n'était autre que le premier grand chirurgien français qui va marquer son époque. Donc on peut... Notamment, il y avait des illustrations de Marion Montaigne justement qui racontaient quelques anecdotes autour d'Ambroise Paré qui sont assez croustillantes. Donc j'espère que tu vas nous en abreuver. Alors non, c'était pas prévu, mais, par exemple, on a un cas. Alors il s'agit d'une légende. Après, on sait pas, on remet un peu en question. On sait pas si c'est vrai ou pas. Mais on a un roi, et là ça y est, je vais passer pour un abruti parce que je ne me souviens plus le nom de ce roi qui s'était pris une lance lors d'une joute dans l'œil. Je me demande si pourtant, t'en as parlé dans une vidéo en plus. Oui, non, bah oui, j'en ai parlé dans la première vidéo qui a vraiment marché. C'est ballot, hein. pas grave, le montage, oublie pas ça. Le montage, je crois que c'est Henri II. Si ce n'est pas le cas, on le remplacera en post-production. Tout à fait. Dis toute la liste des prénoms possibles, comme ça je choisirai le bon du coup après. qui s'était pris une lance dans l'œil, bref, lors d'un tournoi, et la légende veut que Ambroise Paré, en gros, s'était exercé sur des condamnés à mort en leur plantant des lances dans les yeux ou même sur des cadavres et en essayant d'extirper ces lances en faisant le moins de dommages possible pour ensuite s'attaquer au roi et lui retirer ça vite fait, bien fait. Bon, ce qu'il n'a pas réussi à faire puisque le roi est mort. Mais c'est une anecdote qui se veut croustillante. C'est ça que tu attendais. Tout à fait, merci. Voilà. Du coup, on peut considérer qu'à partir du XVIe siècle, il y a un véritable engouement pour l'anatomie et que déjà à l'époque, on sait énormément de choses. Des choses, on va en apprendre encore hein, sur l'anatomie, mais déjà à l'époque, on en sait quand même beaucoup, et on a quand même dégrossi un des piliers de la médecine, et ça, c'est super important. Du coup, au XVIIe et XVIIIe siècle, les médecins ils vont s'atteler à une autre tâche, qui est la physiologie, ou si vous préférez, l'étude de la mécanique du corps. Parce qu'en fait, on sait maintenant, en gros, ce qu'il y a dedans, mais on ne sait pas comment ça marche. Comment ça va s'organiser, comment ça va s'articuler entre tous les organes, voilà, enfin, les os, tout ça. Du coup, il va y avoir pas mal d'expériences qui vont être tentées, dont des vivisections sur des animaux. Hein, la vivisection, en fait, c'est comme la dissection, sauf que l'animal est toujours vivant. Comme ça, on peut examiner vraiment ce qui se passe et où va le sang, qu'est-ce qui entraîne quoi, etc. Enfin bref, c'est cruel, mais c'est un mal pour un bien, si on peut le dire comme ça, puisque ça permet de mettre en évidence le système de la circulation du sang et du coup le rôle hyper important du cœur là-dedans. Et ça, cette découverte, on la doit à William Harvey, qui est un médecin anglais, qui l'a fait en 1628, et ça vient mettre un coup fatal à la théorie principale d'Hippocrate. Du coup, il y a encore des débats et des scissions hein, au sein du corps médical, mais on finit par admettre que Harvey a raison et que ça se passe bien comme ça, que c'est bien le cœur qui entraîne tout le système de circulation du sang et que donc Hippocrate, sur ses théories, avait plus ou moins tort. D'ailleurs, en France, Louis XIV, il y avait des débats aussi en France, hein, pas qu'en Angleterre du coup, et c'est Louis XIV qui va trancher sur le débat, et c'est la première fois d'ailleurs que la politique va intervenir dans le domaine médical, où il va dire tout simplement « Servec a raison », et il impose du coup la théorie de la circulation du sang dans les écoles de médecine. Il dit « Vous enseignez ça et pas autre chose ». Bon, pour le coup, heureusement qu'il avait raison. et d'ailleurs, ce ne sera pas la seule intervention de Louis XIV dans la médecine, hein, puisque c'est lui qui sera à l'origine de la construction des grands hôpitaux dans chaque grande ville du pays, ce qui n'est pas rien non plus, puisque ça a quand même permis de sauver pas mal de gens et d'avoir des institutions qui sont aussi fortes qu'on a aujourd'hui. Du coup, on arrive au XVIIe siècle, qui est un siècle qui fait beaucoup bouger les choses. C'est un siècle d'effervescence, hein, qui voit des progrès dans beaucoup de domaines, que ce soit la physique avec Newton, l'approche philosophique avec Descartes, ou l'astronomie avec Galilée. Et justement, Galilée, c'est un des potentiels inventeurs, parce qu'il y en a plusieurs, d'un appareil qui va complètement révolutionner la compréhension de notre monde et de la médecine, le microscope. En fait, si Galilée, forcément, était plus habitué à scruter le ciel, hein, on l'imagine, la légende veut qu'un jour, il ait du coup inversé le processus pour regarder l'infiniment petit, et qu'il a été assez étonné du résultat, et du coup, on peut le comprendre, puisque dans les années suivantes, grâce au microscope, on observe pour la première fois les microbes, on découvre les globules rouges, les cellules, etc. Et donc, c'est le début de ce qu'on appelle la bactériologie, la microbiologie, etc. Donc, on connaît vraiment de plus en plus de choses sur le corps et sur sa manière de fonctionner. Mais il manque encore quelque chose pour que la médecine soit efficace, c'est les médicaments. Parce qu'on n'a pas encore de quoi soigner bien et soigner en masse. Il y a donc quelques essais en chimie hein, qui sont tentés, mais pas grand-chose de concluant. Cependant, il y a toujours des épidémies, et les médecins, du coup, cherchent toujours des solutions pour contrer ces épidémies qui font des milliers et des milliers de victimes. Au XVIIIe siècle est donc importée en Europe une ancienne technique qui peut remonter suivant les sources jusqu'au XIe siècle en Chine, dont j'avais également parlé lors de mon premier épisode, qui est la variolisation. En fait, c'est un des premiers vaccins, en fait c'est l'ancêtre du vaccin, où pour lutter contre la variole par exemple, on va mettre un contact, en contact un patient sain, qui n'est pas atteint de la maladie, avec du pu d'une personne qui est infectée. Bon, dans 1 ou 2% des cas, ça entraînait la mort du patient sain, ce qui était ballot. Mais dans une grande majorité, ça lui permettait de développer une immunité à la variole, ce qui est quand même formidable, puisque ça a sauvé vraiment des milliers de personnes. Ces procédés, oui. Ça devait être visuellement sympa de voir la scène. Oui, ça devait être absolument sympathique. Ça nous donne vraiment envie de replonger à ces époques. C'est ça, ouais. C'était mieux avant tout ça, quoi. Ouais, le c'était mieux avant ne s'applique pas, je pense, à la médecine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces procédés de vaccin, du coup, ils ont été améliorés par la suite. Par exemple, par Louis Pasteur, hein, qu'on connaît bien dans notre pays, du coup, pour avoir inventé le vaccin contre la rage, mais aussi pour avoir fait le lien entre la maladie et ces micro-organismes. Au 19e siècle, on arrive à une vraie professionnalisation des médecins. Auparavant, il y avait des étudiants en médecine qui pratiquaient pas beaucoup et qui étaient surtout gavés de théorie un max. On leur montrait du concret avec des démonstrations, mais vraiment pas beaucoup de pratique. Du coup, en France, on va obliger les étudiants en médecine à faire une sorte de, on va appeler ça un stage en hôpital, pour acquérir de l'expérience, se faire la main sur du concret, avant de pouvoir prétendre au titre de médecin. Et d'ailleurs, pour la première fois, pour devenir médecin, il faut, à partir de cette époque, obligatoirement avoir un diplôme de médecin. Il y a également une certaine amélioration de la pratique de l'obstétrique, hein, qui remonte du coup bien avant le 19e siècle, mais qui sera démocratisée en France, avec notamment des médecins hommes, qui gère beaucoup plus d'accouchements qu'avant, puisque c'était principalement fait, comme je le disais tout à l'heure, par des femmes. Et d'ailleurs, au XVIIIe siècle, on a Angélique du Coudray, qui était une sage-femme qui assez reconnue, qui va devenir la première professeure des sages-femmes en France, et qui contribue assez largement à l'amélioration des conditions d'accouchement. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hein, si petit moment de pub, si vous voulez le voir, j'avais fait l'épisode du coup avec Dirty Biology sur l'histoire de l'accouchement. Ça peut vous aider à un peu mieux comprendre tout ce qui se passait et l'évolution qui s'est passée. Et si je parle d'Angélique du Coudray, c'est justement que je l'avais dramatiquement oublié lors de cet épisode, ce qui m'a valu quelques remarques. Donc, je fais mon mea culpa ce soir quelques mois après. Voilà, c'est dit. Du coup, au 19e siècle, il va aussi y avoir les premières maternités qui vont être construites, et ça, c'est aussi une révolution, même si c'est encore assez dangereux d'accoucher dans la maternité, puisque le taux de mortalité à l'hôpital, il est assez élevé, et plus élevé que chez les patientes elles-mêmes. Il y a des gens qui vont se pencher dessus, comme le médecin Ignace Semmelweis, et en fait, qui va s'apercevoir qu'en se lavant les mains, tout simplement avant d'accoucher une patiente, eh ben, on va avoir des résultats qui sont très bons, et des taux de mortalité du coup chez la mère qui vont chuter de façon assez flagrante. Donc du coup, il va faire la promotion de sa découverte, et bientôt, la pratique elle va se répandre dans beaucoup d'autres domaines, comme la chirurgie, ce qui au passage va sauver encore pas mal de vies, avec l'invention de l'antiseptique également qui va arriver bientôt. Ce qui aide également, ça va être l'apparition au 19e d'une vraie anesthésie. Parce que avant, ça existait, hein, on est d'accord là-dessus, ça existait pour soulager la douleur, mais rien non plus d'ultra efficace et de sûr de chez sûr. Donc du coup, vers la moitié du 19e, on utilise de l'éther, hein, de l'éther pour endormir le patient, pour pouvoir l'opérer, et ça c'est aussi une énorme avancée, autant pour le patient du coup qui ne ressent pas la douleur pendant l'opération, hein, parce qu'après ça c'est une autre chose, que pour le médecin, parce que du coup le médecin est plus ou moins tranquille quand il va faire ses affaires et puis titiller le patient. La fin du 19e... c'est marqué par une découverte assez majeure aussi, c'est la découverte de la radiologie qui va permettre d'identifier un peu plus facilement les fractures. Et ensuite, on va rentrer un peu dans une période de stagnation. Bon, il va y avoir la Première Guerre mondiale, où il va y avoir aussi quelques avancées, mais globalement, on stagne. Et il va falloir attendre les années 30-40, avec l'invention et surtout l'utilisation de la pénicilline par le médecin Alexander Fleming, pour découvrir du coup les bénéfices de ce qui va être ni plus ni moins que le premier antibiotique. Et ça, c'est une énorme révolution dans le domaine de la médecine. Du coup, on arrive un peu là vers la fin de cette chronique hein, sur la médecine, puisqu'à un moment donné, c'est quand même un peu, c'est bien d'avoir un peu de recul sur ce qu'on dit. Et là, on commence à arriver dans des périodes où 50 ans, c'est pas, on n'a pas vraiment assez de recul pour pour analyser tout ce qu'on dit, et on pourrait dire des bêtises. Ce qui est sûr, c'est qu'en gros, sur cette seconde moitié du XXe siècle, il y a eu des évolutions extraordinaires. Y compris une nouvelle fois dans l'approche médicale, puisqu'on utilise désormais la méthode scientifique hein, pour appréhender un cas et le comprendre pour mieux le soigner. En gros, on a fait plus de progrès ces 50 dernières années que depuis le début de ma chronique, donc depuis 3000 avant Jésus-Christ. On a inventé le scanner, on a inventé l'IRM, on a inventé l'échographie, on a fait beaucoup de progrès en pharmacologie, on a fait des progrès énormes dans plein de domaines. En chirurgie, n'en parlons pas, on arrive à transplanter des cœurs aujourd'hui chez des patients qui, je vous le rappelle, hein, quand même avant étaient l'élément central de l'âme de la vie, il y a quelques milliers d'années. On commence à développer des prothèses ultra performantes, des organes artificiels et j'en passe. Bref, je l'ai dit cinq fois, mais on fait des progrès assez incroyables. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien vu, pendant du coup ce résumé un peu grossier de l'histoire, de la médecine, qu'il y a eu des théories qui se sont développées. Il y a eu des pratiques qui ont été mises en œuvre, et qui ensuite ont été supplantées par d'autres théories, d'autres pratiques, qui nous semblaient plus efficaces. Du coup, même si aujourd'hui on a fait d'énormes progrès et qu'on peut être tenté de dire qu'avec les progrès qu'on a fait, on ne trouvera pas mieux, il n'est pas impossible qu'il y ait encore, il est même très probable, qu'il y ait encore des révolutions dans le milieu de la médecine et qui feront que dans, je ne sais pas, un, deux, cinq siècles, on se demandera comment il faisait dans les années 2000 pour mourir d'un petit cancer, de rien du tout. Donc voilà un petit peu, c'est la fin du coup de ma chronique. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, il faut savoir que je me suis vraiment beaucoup inspiré d'un livre assez complet qui s'appelle « L'histoire de la médecine », qui a été écrit par Roger Dachaise, qui est un médecin qui enseigne justement l'histoire de la médecine à l'Université Paris 7. Je me suis aussi appuyé sur un autre bouquin ou une volée de bouquins qui s'appelle L'histoire du corps, qui est en fait en trois tomes, qui a été écrite par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Vigarello. Et là, c'est plus sur une histoire culturelle de la médecine, mais ça peut être hyper intéressant aussi pour les gens qui veulent s'y intéresser. Voilà, je sais pas combien de temps j'ai fait durer ce... Oh, je sais pas, finalement pas trop longtemps pour tout ce dont t'as parlé, parce qu'on a voyagé dans le temps et dans l'espace même, enfin, on s'est pas mal baladé autour du monde, quoi. Juste pour revenir sur la toute fin, parce que là tu t'arrêtes, tu nous laisses quand même avec, on est encore un peu loin des époques récentes, même si je trouve ça très bien de s'arrêter à des moments où on a moins de recul. Tu dis qu'il va y avoir encore des très grosses révolutions et tout, mais mon regard de quelqu'un qui connaît très peu de choses, j'ai l'impression que maintenant on est beaucoup mieux armé pour juger de l'efficacité ou non d'un traitement. Et que ça, c'est quand même assez récent, et c'est des erreurs, c'est du coup, on n'aura plus des erreurs d'appréciation comme on a eu par le passé, que ce soit, enfin, par exemple, la saignée qui a été quelque chose qui a été, on l'a vu dans l'épisode qu'on a fait sur le sang, où ça a été très utilisé, alors que c'était juste, il y avait un oui-dire qui disait que c'était bon, mais ça tuait des gens, en fait, quoi. Non, c'est sûr, de ce côté-là, du côté de la compréhension, peut-être pas, mais ça n'empêche qu'on a encore beaucoup de progrès à faire, parce que si tout était parfait, on n'aurait pas des scandales sanitaires comme on peut avoir encore de temps en temps, et comme il y a eu des énormes scandales sanitaires avec certains médicaments qui ont été distribués assez largement sur le marché ces dernières années. Donc, il y a des progrès à faire là-dessus, et puis il y a surtout, je pense, des nouvelles... méthodes, je pense à la chirurgie, qui vont peut-être être découvertes. Enfin, le fait est qu'on va avoir cette évolution technologique qui va nous permettre de faire avancer la médecine en même temps que la technologie. Et ça, faut pas l'oublier. Et du coup, je pense que c'est là-dessus aussi qu'il va y avoir une très grosse évolution. Puis après, bon, il y a aussi la recherche, tout simplement, que de nombreux scientifiques sont en train de faire depuis des années, justement, par exemple, pour essayer de s'attaquer à des problèmes comme le cancer, comme le sida, etc. Et ça, il faut du temps. Il faut du temps pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des nouvelles maladies qui vont arriver et qu'il faudra lutter contre. Mais ça veut dire qu'il y a des progrès aussi à faire et que ces progrès-là, ils arriveront. Après, effectivement, on a plus de moyens de juger qu'une chose est pertinente ou pas, mais il y a des risques qui doivent être encore pris. Et par exemple, pour les transplantations de cœur qui sont assez récentes, bah, le premier qu'on a transplanté avec un cœur, on prenait quand même un risque. Oui, bien sûr. Donc le voir, risque... Voire même le premier, là. On n'en parle plus. On parle toujours du premier comme le premier qui a réussi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'il y en a eu un paquet derrière qui, en fait, bon, bah, c'est raté. Voilà. Mais d'ailleurs, dernièrement, sur ça, il y en a un qui s'est fait transplanter. Ça fait 8 mois là, qu'il est en vie. Avec, alors là, je ne sais plus, je crois que c'était un organe artificiel. Je ne suis plus sûr, vous me contredirez peut-être. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Non, ça me dit rien. Et du coup, le mec est en pleine forme. Il y a eu celui qui est mort au bout de 3 mois avec un cœur artificiel. Mais là, j'ai lu un truc comme quoi le mec, ça fait 8 mois qu'il est sur pied. Il a voulu se remettre au vélo et ses médecins lui ont dit « Waouh, on va se calmer, on va y aller doucement ». Non, et sur le futur, par contre, un des autres aspects aussi qui peut beaucoup changer, c'est que c'est tout ce que vers où va Google, par exemple, à dire aller faire des choses beaucoup plus personnalisées en faisant de l'analyse de données beaucoup plus intelligente et beaucoup plus fouillée. Au lieu d'avoir des moyennes sur tout un groupe, qui soit la France, le monde, ou etc., d'avoir des choses qui sont personnalisées au vu des données déjà acquises sur la personne, quoi. Mais c'est ça, mais après, c'est ce que je disais au niveau des évolutions technologiques et les évolutions de Google, ça en fait partie. C'est-à-dire que la big data, c'est tout cet ensemble de données qu'on arrive à rassembler et que jusqu'à présent, on avait beaucoup de mal à traiter parce que ça demande énormément de puissance de calcul. De plus en plus, on arrive à l'analyser, à la segmenter. Ça a des effets très pervers, notamment au niveau du marketing et autres. Mais ça peut avoir des effets très bénéfiques, comme dans le cadre, effectivement, comme tu le soulignes, de la médecine. Ok. On avait quelques questions d'auditeurs qui t'ont pas encore été rapportées. Oula, qui attention. La chatroom, donc c'est peut-être là où tu auras pas de réponse. Alors en plus, je te les ramène maintenant. Elles ont été un peu tout au long du dossier. Alors on te les a la plupart rapportées, mais il y en a qui peuvent dater un peu, donc tu peux ne plus trop voir à quoi elles font référence. Bref, on a Pouillot qui demande comment ils ont pensé à faire bouillir leurs instruments, les Romains, sans connaissance des bactéries. C'est vrai qu'il faut une sacrée idée pour se dire « Tiens, je vais faire bouillir mes instruments à les utiliser. » Ouais, je ne sais pas. J'avoue que je ne me suis pas penché sur les découvertes en tant que telles, une par une. Donc, je ne sais pas. Je suppose qu'il y a eu aussi des tests qui ont été faits comme ça. Je pense qu'on ne tombe pas sur par hasard en se disant « Tiens, et si je faisais bouillir mes instruments, peut-être que ça fonctionnerait. » Il y a même des chances que ce soit plutôt « Il y avait de l'eau bouillie à côté, l'instrument a bouilli, il a attendu qu'il refroidisse, puis il l'a utilisé, il s'est rendu compte que c'était pas mal ou quelque chose comme ça. » Oui, c'est souvent le fruit du hasard. Je ne sais pas du tout comment ça a été découvert. Sinon, on a H. Romette, je ne sais pas comment ça se prononce, qui pose une question. C'est là où on est un peu hors contexte. Si, non, mais là, je peux te remettre le contexte. C'est à propos de la perte de la médecine dans l'Occident, la disparition des savoirs en médecine dans l'Occident après l'Empire romain. Ouais. Et il demande si on sait comment cette perte de patrimoine s'opère, sur combien de temps. C'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, comment elle s'opère, c'est assez facile. C'est-à-dire que l'Empire romain d'Occident, il s'effondre totalement. Il y a des nouvelles nations entre guillemets qui vont naître à droite à gauche. Il va y avoir des peuples qui vont se retrouver vraiment reculés, un petit peu isolés. Il va y avoir donc des bouleversements politiques, culturels, etc. Il va y avoir des changements de langue. Il va y avoir des invasions. Il va y avoir plein de choses. Puis voire même ils vont plus vouloir de la culture romaine des fois, j'imagine. Il va y avoir aussi un rejet de cette culture, effectivement, et du coup tout ça fait qu'à un moment donné, même s'il y a un héritage qui est là, Bah, il y a quand même de la distance qui est prise avec cet héritage, que ce soit de façon volontaire ou non. Et donc, il y a une perte de savoir. Ça, c'est clair. Et comme je le disais, la simple barrière de la langue, par exemple, au début, c'est très problématique. Mais il y a dû avoir une préservation locale pendant un moment assez long, du coup. Enfin, je veux dire, ça a dû se perdre de façon inégale et... S'il y a la chute d'un empire, ça peut aller vite. On avait vu un truc un peu similaire sur la disparition du zéro qui était réapparu après, quoi. Je ne saurais plus dire en détail, mais j'avais dit ça dans mon dossier, où il a disparu en Europe pendant toute une période aussi, pour un peu les mêmes raisons, des raisons principalement politiques d'empire qui disparaît et qui est remplacé par d'autres, quoi. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça n'a pas disparu, c'est juste que ça a été oublié, entre guillemets, par toute une partie de cet empire romain qui s'est complètement disloqué, et tout a été balancé du côté des Arabes, qui du coup ont tout récupéré, et ont pu repartir et continuer les travaux. Et eux, du coup, c'est grâce à eux qu'on a pu continuer à développer un peu tout ça, et reprofiter un peu de ce savoir après, quoi. Ce qui globalement s'est passé pour les maths aussi. Bon, ouais, la personne qui a posé la question te dit merci, donc on peut considérer que tu as répondu. Sinon, on a Bronian, j'adore son pseudo, qui demande si la chartreuse verte est-elle un médicament. Alors, je suis désolé, je comprends pas du tout la référence. Je crois que c'est juste qu'il l'a demandé comme un débile au milieu dans la chatroom. Enfin, comme un débile, comme il s'est demandé si la chartreuse était un médicament. Tout le monde a réagi, bah oui, bien sûr, l'alcool est un médicament. Ça a enchaîné sur les bières, tu n'es pas obligé de répondre très sérieusement. Non, mais par contre, enfin, plus. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les abbayes ont produit de l'alcool, ont produit des potions, comme ils les appelaient, à base de plantes, qui pouvaient être plus ou moins costauds, et ils vendaient ça comme des remèdes médicinaux, ce qui n'était pas forcément toujours le cas. On sait après qu'un verre de vin, c'est bon pour la santé, chaque jour, voilà. C'est recommandé, faut pas en abuser non plus, mais oui, l'alcool, ça pouvait être bénéfique pour certaines choses, je pense. Et d'ailleurs, à une certaine époque, on buvait pas vraiment d'eau, on buvait que du vin. Mais de là à dire que ça a pu sauver énormément de gens au Moyen-Âge, je sais pas, faudrait peut-être aller voir nos amis russes. On a Barberousse qui nous demande, puisqu'on est dans l'époque, c'est quand tu parlais justement des empires, etc. Est-ce que les croisades ont aidé à la progression de la médecine, mélange des civilisations et techniques avec une abondance de patients, entre grands guillemets patients? Ce qui est sûr, c'est que les croisades, ça a eu un effet positif, parce que les personnes qui sont allées, les occidentaux qui sont allés là-bas, ont vu des choses, ont rapporté des choses. Et parfois, on a eu des personnes qui sont restées sur place, des Occidentaux qui sont restés sur place, qui ont fondé par exemple le royaume de Jérusalem après les premières croisades, et qui ont pu développer des choses et transmettre ces textes médicaux et autres pour faire avancer les choses en Occident. Mais pas que. Par exemple, il y a eu des effets bénéfiques, entre guillemets, des croisades, des coutumes qu'on a ramenées du monde arabe, comme le développement de l'hygiène au Moyen-Âge. Et c'est rigolo parce que je vais l'aborder dans mon prochain épisode très rapidement, qui j'espère sortira avant la fin de la semaine, mais c'est pas sûr. À un moment donné, au Moyen-Âge, les gens n'étaient pas si crades que ça. En fait, les gens se lavaient. Les gens se lavaient et se lavaient plus qu'à l'époque moderne. Et en fait, les croisés, quand ils étaient... donc pendant les croisades, se sont aperçus que les Arabes prenaient beaucoup de bains, notamment aussi pour le plaisir de prendre des bains. Et ils ont ramené cette pratique en Europe. Qui fait que, en Europe, il y a eu un développement assez énorme des bains, en fait, chez le peuple. Donc les pauvres, ils allaient dans les rivières, mais il y a aussi des véritables bains publics qui se sont développés, notamment à Paris. Et les rois aussi prenaient leurs bains, et on allait jusqu'à même laver les enfants trois fois par jour. Et tout ça, ça a permis à un moment donné aussi d'éventuellement lutter, de renforcer un peu l'hygiène et de lutter plus ou moins contre certaines maladies je suppose. Donc oui, il y a eu des apports carrément du monde arabe grâce ou à cause des croisades, ça c'est clair. Ok. Bon, j'enchaîne hein, parce qu'on commence à durer un peu. Une autre question de Bronian qui dit qu'il avait entendu que les hôpitaux gratuits de Bagdad avaient des services par secteur, ophtalmo, gynéco et un service de pharmacie en sortie. Est-ce que c'est vrai? J'imagine à l'époque où tu... Je n'en sais rien. j'ai pas lu là-dessus. C'est sûr, c'est que Bagdad, c'était une ville qui a été pendant très longtemps au cœur du rayonnement culturel de l'empire abbasside et des Arabes. Donc, ça m'étonnerait pas que ça soit le cas. D'accord. Alors, la question suivante de Bronian, je ne sais pas trop à quoi elle fait référence. Je ne sais pas si tu sais, Robin. L'histoire de Zénon dans l'œuvre noire de Yourcenar. En gros, l'œuvre noire de Yourcenar, c'est un bouquin que j'ai pas lu, et donc il demande si c'est pas antichronique, j'imagine que c'est, oui, enfin, anachronique, tout ça. Mais comme j'ai pas lu le bouquin, il a raconté rapidement l'histoire, mais j'ai déjà oublié. Quelqu'un qui fait des autopsies, tout ça. Moi, si tu as pas lu, je pense que tu pourras pas répondre, donc c'est pas grave. Non, je l'ai pas lu. Je dois dire que ce que je disais tout à l'heure, déjà le livre, entre guillemets, l'histoire de la médecine là, que j'ai cité, rien que ça, déjà, ça fait 600 pages. Donc je me le suis enquillé. Non, mais t'aurais pu lire ça avant, sait-on jamais. Oui, sait-on jamais. Mais je me le suis enquillé en intégrale pour. C'est bien sympa. Pour la chronique. Et quand je suis arrivé au bout, j'étais content déjà. Et tu le conseilles ou pas, du coup? Oui, je le conseille. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de digressions sur justement sur les contextes de l'époque et sur les évolutions qu'il y a pu avoir. Donc je le conseille vraiment. C'est un livre qui est très très intéressant. Alors j'ai plus l'édition par contre. Il est sur mon étagère. Bon, de toute façon, en fait, c'est le premier qu'on trouve en tapant l'histoire de la médecine sur Amazon au moins. Voilà. De toute façon, c'est l'histoire de la médecine de Roger Dachez, D-A-C-H-E-Z. Voilà. Il n'existe pas en édition électronique pour ceux qui se demandaient. Et puis voilà. Voilà. Et après, j'avais dit, l'autre versant, c'était l'histoire du corps en trois tomes, où là, c'est vraiment. C'est hyper sérieux, hein, parce que de toute façon, c'est que des historiens très, très reconnus, etc. Et c'est vraiment de l'histoire culturelle, donc c'est aussi sympa, parce qu'il y a pas mal de petites choses qu'on peut apprendre et sur des thématiques qui ne sont absolument pas abordées dans l'histoire de la médecine de Roger Dachez. C'est aux éditions de Talendier pour les histoires de la médecine de Roger Dachez. Voilà, voilà. Sinon, on a une tentative de question très scientifique et très médecine de... Brusy Korn 02, j'espère que tu sauras répondre. Combien mesure ta barbe? Alors non, je ne répondrai pas à cette question. Hors de question. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est je suis invité à une convention dans un mois maintenant, ça passe vite. La NeoCast à Strasbourg, qui est une convention de vidéastes, qui m'a donné 4 places à faire gagner à mes abonnés. Et du coup, j'ai lancé un concours en début de semaine sur YouTube en demandant aux gens de trouver la longueur exacte de ma barbe en millimètres. Et depuis... Attends, à quelle date? Ça va être à partir du menton, bien évidemment, et ça sera mesuré dans moins d'une semaine, du coup. Fais pas le coup de te la couper juste avant, hein, ça se fait pas. non, je suis pas assez pervers pour ça, mais ça n'empêche que du coup, je me fais harceler partout. Sur Facebook, j'ai reçu des tonnes de messages en me disant « Quelle est la longueur de ta barbe, s'il te plaît ?» C'est bien tenté. Voilà. Ok, bah donc ça ne passera pas cette fois-ci. Voilà, bon, on avait une remarque, je pense que c'était sur le big data ou de Bronian qui disait que la statistique sera peut-être le plus grand progrès de la médecine. Bon, c'est une question ouverte. Oui, franchement, avant Nota Bene, j'ai bossé en tant que cadreur monteur dans une société de production et on faisait pas mal de films pour les entreprises. Il se trouve que dans les clients qu'on avait, on avait une des plus grosses entreprises mondiales de big data. Et honnêtement, pour avoir discuté avec des statisticiens et des gens du monde de la big data et pas devant la caméra, hein, ça promet énormément de choses positives aussi. Et effectivement, comme je le disais, il y a des dérives qui seront là forcément au niveau du marketing, etc. Mais le big data, c'est une révolution pour plein de choses. Et moi, pour compléter ce que tu disais, j'ai fait ma thèse, en fait, bien que je ne faisais du traitement d'images satellitaires, ça n'avait rien à voir, dans une fac de médecine, en fait, et où j'étais avec beaucoup de mathématiciens qui faisaient de la médecine. Et moi, ce que j'ai vu d'assez intéressant sur le big data, autre le mot très bandant, juste big data, c'est vraiment ce dont je parlais, de dire qu'ils pouvaient aller faire des diagnostics beaucoup, beaucoup plus fins. Parce qu'au lieu, comme quand vous aviez votre carnet médical, enfin, si ceux qui ont connu les carnets de santé, je ne sais même plus si ça existe encore, ou par exemple dans les courbes de croissance, on a la courbe maximale, la courbe minimale, et grossièrement, ça existe encore. Et grossièrement, il faut être entre les deux courbes. Et c'est souvent comme ça, on a des seuils max et min, et il faut être entre les deux. Et là, ce qu'apportent les statistiques, c'est d'utiliser ces données statistiques de tout le monde, et en fonction des premières données sur la personne, d'avoir l'évolution que devrait avoir cette personne-là. Et de ne pas se contenter de moyennes très grossières. Et du coup, de pouvoir détecter beaucoup plus tôt des problèmes. Là, c'était des anomalies cardiaques, par exemple. Mmh. C'est vraiment hyper intéressant. Voilà, voilà. On a une question de Bronian. Je pense que tu ne vas pas savoir répondre, mais tentons. L'université de Montpellier s'est-elle construite sur les transferts du monde arabo-musulman via la Catalogne? Très précis comme question. Alors, il se trouve que donc la première école qui avait été créée en Italie, elle a eu une influence énorme sur toutes les autres universités en Europe. Et elle-même avait eu, enfin, ses influences venaient beaucoup du monde arabe. Donc forcément que le monde arabe a eu une influence sur Montpellier et l'a eu depuis sa création jusqu'à je sais pas si elle existe toujours, je pense mais évidemment oui qu'elle a eu une influence arabe et que cette influence elle est passée par cette première université de Salerne. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. On est très content. Il reste une dernière question, troll. Ouais. Il y en a un qui veut finir sur un troll. Comme je suis d'accord avec lui, il y avait la fameuse question, la médecine est-elle une science? Mais c'est peut-être pas à toi de répondre. Non, enfin je. Là, bah, je déjà, je pense qu'il a donné un élément de réponse sur le fait que la médecine a su justement à utiliser la méthode scientifique au bout d'un moment pour avancer, quoi. Après, oui, y a ça. Si on compare, oui. Si on compare à l'autre sujet, on en a déconné dans la chatroom, j'ai fait exprès de faire le troll. Quand on compare à l'économie, où on se pose ce même genre de questions, la médecine, elle a une démarche scientifique où elle essaie de reproduire les expériences, elle essaie de résoudre les problèmes, de tester des hypothèses. Donc, il y a vraiment une démarche qui est très, très, très, très scientifique pour le coup, quoi. J'aimerais juste, je suis désolé, je reviens juste à la question d'avant, parce qu'effectivement, j'ai toujours été extrêmement mauvais en géographie et je viens de m'apercevoir que la Catalogne, c'est pas du tout l'Italie. donc, oui. C'est plutôt l'Espagne, oui. Oui, tout à fait. Donc, parce que là, je répondais en insistant sur le fait que oui, ça venait de l'Italie. La Catalogne, je pense aussi parce que il faut savoir que toute l'Espagne, en fait, et ces régions-là, étaient sous influence arabe. Donc, ça faisait un peu partie de tout cet empire. Donc, forcément, qu'il y a dû avoir des influences. Ça, c'est clair. Ok. Et c'était une merveilleuse façon d'éviter le troll. Donc, je disais, merci beaucoup pour le dossier. En tout cas, on espère que tu repasseras chez nous nous faire des trucs, peut-être des formats plus longs que ce que tu peux faire en vidéo. Justement, on te retrouve où sur l'Internet mondial? Donc, il y a bien sûr ta chaîne YouTube qui est... il suffit de taper Nota Bene ou faut taper Nota Bene? C'est Nota Bene Movie, c'est ça? Nota Bene sur YouTube, vous trouverez en principe. Les seuls autres Nota Bene, c'était un groupe de rap roumain, je crois, que malheureusement... Donc, si vous êtes en Roumanie, il vaut mieux faire Nota Bene Movie, mais ailleurs dans le monde, voilà. Ça doit le faire. Voilà. Je suis présent sur Twitter, Nota Bene Movie. Je suis présent sur Facebook, Nota Bene Movie aussi, je crois. Voilà. Et puis je traîne pas mal sur le forum de la vidéothèque d'Alexandrie et sur le Mumble de la vidéothèque d'Alexandrie. Mumble, c'est un logiciel de communication vocale qui est ouvert à tous. Hein, donc, vous pouvez venir si vous avez envie de parler de vidéos, de culture, de n'importe quoi. Il y a souvent pas mal de monde et on s'amuse bien. En tout cas, j'espère que c'était pas trop long, que c'était pas trop barbant, que je ne suis pas trop empêtré dans ma chronique et dans mon écriture. C'était hyper intéressant. On a bien envie d'en savoir plus, même parce qu'il y a, c'est une histoire assez riche. Oui, c'est sûr. La vidéothèque d'Alexandrie, peut-être deux mots, parce qu'on avait eu l'occasion de la survoler quand il pensait passer, mais comme il pensait, insiste sur le fait qu'il en fait pas partie. Ça peut être intéressant que tu nous expliques un tout petit peu ce que c'est. Oui, non, c'est sûr. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pour être tout à fait clair, au tout début, la vidéothèque d'Alexandrie, c'était conçu comme, on voulait le concevoir avec Raphaël de Codemus, comme un espèce d'annuaire ou un référencement des vidéos culturelles sur Internet. Sauf qu'à côté, on avait créé un groupe de soutien pour les vidéastes, justement, qui voulaient se lancer et qui avaient besoin de conseils et d'aide, etc., pour pouvoir se lancer dans les vidéos, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait un vrai engouement pour ça, qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient se lancer, mais qui n'avaient pas forcément de base technique ou autre, et donc on s'était dit, ça serait bien qu'on les aide. Et au fur et à mesure, on a muté, on a évolué, et d'ailleurs on évolue toujours. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus un collectif de vidéastes qui vont dans le même sens, qui créent du contenu, on va dire, culturel au sens large et éventuellement peut-être pédagogique. Et c'est tout. En fait, on est juste notre petit collectif. On n'a pas du tout vocation à représenter toute la culture ou toute la science qui se fait sur Internet et sur YouTube. Ce serait vraiment bien trop triste. Et du coup, via la vidéothèque d'Alexandrie, on essaye de temps en temps de partager des gens qu'on aime bien, dont on pense que le boulot est sympa. Donc, sur la vidéothèque d'Alexandrie, sur le forum, actuellement, on a des gens qui viennent chaque jour présenter leur chaîne ou leur nouvelle chaîne et qui nous disent voilà ce que je fais, est-ce que vous trouvez ça bien, est-ce qu'éventuellement vous auriez des conseils, etc. Et donc là, autant le collectif que les autres personnes qui viennent sur le forum donnent leur retour honnête au vidéaste qui peut essayer de progresser. Et puis de temps en temps, dans ces vidéastes-là, il y a quelqu'un qui nous plaît, dont on trouve que le travail est vraiment sympa, que l'information passe bien, et du coup on décide de le partager, tout simplement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur notre futur site qui traîne un petit peu, mais qui devrait arriver, on l'espère, incessamment sous peu. Ça fait deux mois qu'on dit ça, mais ça va arriver, un de ces quatre, promis. Donc voilà, un collectif seulement délimité de vidéastes, et puis c'est tout. Et un forum super actif. On a pu apercevoir les bribes dans des soirées où on a vu 2-3 youtubeurs où vous avez l'air de beaucoup vous connaître et beaucoup vous amuser ensemble. Donc, Oui, tout à fait. C'est ça, en fait, la vidéothèque d'Alexandrie. Maintenant, c'est des gens, effectivement, qui sont ensemble, qui vont dans le même but, mais c'est vraiment devenu un groupe de copains aussi, avec des gens qui se connaissent bien. Et bon, après, on n'est pas du tout fermé. Il y a des gens qui rentrent, entre guillemets, dans ce groupe de copains, et puis d'autres qui en sortent. Enfin, c'est, rien n'est figé, tout bouge, et c'est ça qui est aussi hyper intéressant. Je vois une question qui dit « forum actif ». J'ai envie de dire oui. Pour l'instant, on a un forum pas terrible. Ouais, c'est étonnant. J'avoue que moi, tous les forums que j'ai pu voir n'étaient pas actifs. Et là, ça a l'air d'être actif. Bon, j'ai pas été y faire un tour encore. Mais non, c'est une blague. Ah, d'accord. Je croyais. Non, forum actif, c'est les forums actifs. Je connaissais pas. Désolé. Voilà, c'était mon tour de me ridiculiser. Forum actif, oui, c'est pas les forums les plus évolués du monde, mais sur le prochain, sur le site, on est en train d'essayer de mettre en place, ou on va mettre en place un peu plus tard, un PHPBB qui sera un peu plus développé, et je pense qu'on fera un espèce de transfert. On sait pas très bien comment ça va se passer. Ça existe encore, PHPBB? Oui, ça me rappelle mes bonnes vieilles années 90-2000, mes premiers forums. Ouais, c'est cool. C'est pas moi qui sera chargé de le faire, ça c'est clair. Ok, super. Allez faire un tour sur la vidéothèque d'Alexandrie. Qui plus est, si vous voulez faire des vidéos, si vous en avez fait et que vous avez envie de partager ça, allez y faire un tour. Et encore merci à toi, Nota Bene. Voilà, si t'as plus rien à rajouter, on va passer à la suite de l'émission, au pitch. Écoutez, non, je vous aime tous. Merci de m'avoir invité. Bah non, tu peux rester jusqu'à la fin parce qu'on t'attend pour la côte. Hein. Bah, tout à fait. En plus, j'en ai trois. Mais avant ça, un petit pitch. Alors, le pitch de la semaine prochaine, c'est Johan. Johan n'est pas là. Alors, dans les bonnes excuses, vous savez qu'on a une grande culture de l'excuse à Podcast Science. Là, Johan ne pouvait pas être là ce soir parce qu'il y avait une conférence spéciale sur Hubble où il y avait deux prix Nobel présents pour parler. Du coup, il a dit qu'il préférait aller là-bas. Et bon, il est largement excusé parce qu'en plus, la semaine prochaine, bah, il nous fait un épisode sur Hubble. Donc, je vais vous faire le pitch. Le 24 avril 90, la navette spatiale Discovery a mis en orbite donc le télescope spatial Hubble. 25 ans plus tard, nous sommes tous habitués à sa présence. Nous avons tous vu ces images incroyables en faisant l'un des instruments scientifiques les plus connus du grand public, tout domaine confondu. Mais avec les quelques 12 700 papiers scientifiques qu'il a engendrés, il est aussi l'un des plus productifs. Télescope polyvalent aux performances extraordinaires, Hubble a permis d'énormes avancements dans la plupart des domaines de l'astronomie, des objets proches de notre système solaire aux galaxies les plus éloignées connues à ce jour. Donc voilà, Johan va nous parler de cet instrument assez incroyable, de ce qu'il a apporté, de son histoire. Enfin, voilà, ça s'annonce assez merveilleux, comme Johan sait bien le faire, donc soyez là. Et ça n'a rien à voir donc avec l'histoire de la médecine, quoique. Mais si, ça a quelque chose à voir, c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est ça. Mais voilà. Et puis je disais quoique, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des choses qui aient servi pour la médecine, qui est dans le développement de Hubble ou autre. En général, le spatial rayonne sur pas mal d'autres techniques. On passe à la côte, du coup. Donc tu nous as ramené une côte, il paraît. Plusieurs, attention. J'en ai même plusieurs parce que moi, on m'a expliqué la tradition de la côte et donc j'ai été en chercher quelques-unes. Moi, il y en a trois qui m'ont fait tilter ou rigoler. La première, je vais commencer par la plus sérieuse, hein, on finira par la plus savoureuse. La première, c'était une citation de Montesquieu qui résumait assez bien les challenges du siècle des Lumières, en fait, qui disait « Ce n'est pas les médecins qui nous manquent, c'est la médecine. » Ce qui prouve bien qu'il y avait un certain nombre de charlatans qui pouvaient officier et d'autres qui étaient là et qui connaissaient les bases de la médecine, mais que cette médecine, elle était limitée et qu'il fallait, œuvrer pour la recherche et pour faire évoluer cette médecine. Voilà, ça résumait bien toute une époque en une phrase, je trouvais ça assez rigolo. Sinon, on avait Plutarque, donc il y a quand même bien longtemps, qui nous disait que la médecine fait mourir plus longtemps. Elle est belle cette citation, je trouve. Voilà. J'aime beaucoup. Et on avait enfin le conteur Alphonse Allais qui nous disait « L'avantage avec les médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. » Pas faux non plus. Voilà. Croustillante, comme tu disais. Beaucoup rire. Bah, parfait. Merveilleuse quote. Moi, je retiens « La médecine fait mourir plus longtemps ». Je pense que ça se ressort assez facilement à un repas ou autre. Ouais, je sais plus d'où ça venait aussi, l'idée de « Il est mort, mais en bonne santé », quoi. Ouais. Joyeux, joyeux. C'est Voltaire d'ailleurs aussi, je crois qu'il disait que, de mémoire, qu'il disait qu'il n'y a rien de plus ridicule qu'un médecin qui meurt pas de vieillesse. On n'a pratiquement pas de plug, j'ai juste un plug que j'ai rajouté à la dernière minute à propos de Léo Grasset, qui fait partie de la vidéothèque d'Alexandrie, si je ne dis pas de bêtises, de Dirty Biology. Tout à fait. On vous avait déjà dit qu'il avait sorti un bouquin, Le coup de la girafe, et si j'en reparle là, c'est pas pour faire une pub éhontée comme j'en ai l'habitude avec, souvenez-vous de The Science of Interstellar. Le bouquin est toujours très bien, et en plus, j'avais râlé auprès de lui, et j'ai râlé dans Podcast Science parce qu'il n'y avait pas de version électronique, et ça y est, il y en a une. Donc je me dois de dire qu'il y a maintenant, en plus, une version électronique, donc vous n'avez plus aucune excuse de ne pas acheter le bouquin de Léo, qui est très sympa. Donc voilà, c'était juste un petit plug. Le bouquin ou Léo ? Mise à jour. Le bouquin. Je crois que Léo, il y a beaucoup d'offres. Tu te rends pas compte de ses groupies et fan club. Je sais pas, tu dis Léo est très sympa. C'était très flou de savoir. Ah non, le bouquin. Le bouquin. Bah, Léo aussi, on l'a vu. Il y a eu une soirée où parce qu'il était présent à Paris la semaine dernière, si j'ai pas de bêtises, j'ai de gros problèmes temporels. Et il est très très sympa, ouais, Léo, comme dans ses vidéos, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, tu sais jamais, on a tellement eu des réputations de gens devant l'écran qui n'étaient pas du tout pareils derrière, mais Léo est tout pareil. Donc, C'est pour ça que je ne suis pas venu sur Paris, hein. Je savais que j'allais être trahi à la première soirée. Parce que surtout tout le monde aurait essayé de mesurer ta barbe, ça aurait été insupportable. Exactement. En tout cas, on a LGG qui cite les testicules de Darwin, en fait c'est le nom du blog. Le blog, tout à fait. Voilà. Il essaie de le citer parce que la dernière fois qu'on avait un bouquin à faire gagner et il devait citer le titre, il s'est planté d'un mot donc il n'a pas gagné. Donc là il retente. Il n'y a pas de bouquin à faire gagner le chichi cette fois-ci. C'est bon à savoir parce que comme ça le jour où je sors mon bouquin, je pourrais vous envoyer. Mais carrément, mais pense à faire une version électronique. Tout à fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou quoi que ce soit où on conclut? Conclure. Je pense qu'on peut conclure. Merveilleux. Écoutez, vous savez presque tout sur l'histoire de la médecine. Je pense que surtout, vous avez eu plein d'éléments pour vous y intéresser encore plus à ces périodes qui ont pu vous intéresser. Nous, on était ravis de recevoir Nota Bene. Et donc, maintenant, le travail pour propager l'histoire, pour faire grandir l'histoire du podcast, reste à propager l'épisode et en parler autour de vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, des commentaires sur notre site internet, podcastscience.fm, sur YouTube, sur Twitter, sur tout l'internet mondial, sur Facebook, sur Google+. J'espère que notre cher community manager ne va pas me dire que j'ai oublié des réseaux sociaux. Bref, diffusé partout. Allez voir la chaîne de notre ami Nota Bene qui était là ce soir. D'ailleurs, les 7 chroniques, je vais essayer d'en faire quelques épisodes du coup. Donc vous pourrez retrouver aussi le contenu de cette chronique, non seulement sur Podcast Science, mais aussi sur la chaîne Nota Bene. Voilà, c'était pour le préciser. Et normalement, il y aura une version écrite de ce qu'il a fait là ce soir, parce que tu l'as écrit, c'est ça? Je l'ai écrite. Donc on va la publier à peu près au même moment où on publiera l'épisode, je pense. Voilà, en corrigeant les fautes. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de Hubble, la tête dans les étoiles. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. Alors, je coupe le son de mon téléphone. Je vous invite à faire de même. Yep. Ah, t'es pas con, toi, tiens. Je suis docteur, moi. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Putain, oh mon Dieu, quoi. L'argument d'autorité dans toute sa splendeur.